bienvenue à Sur la Jockey Edition Week-end pour la semaine du 13 novembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on vous parvient des studios Tifou à Trois-Rivières. On est au milieu du mois de novembre. On peut dire que cette semaine a été difficile pour bien des gens. À certains ont peut-être vécu un deuil dans une sphère ou une autre de leur vie, d'autres ont peut-être perdu l'envie de sourire. Hein. Ça peut-être. Va peut-être revenir un jour. Moi, je sais par contre que j'ai perdu la mémoire, ça c'est sûr, mais c'est rien de nouveau. Non, mais c'est pas mal moins pertinent aussi que de souvenir de nos vétérans qui sont morts au combat. Ah. Justement, Sébastien F. Gartin nous a parlé de la controverse des coquelicots rouges et blancs dans son bulletin Gartin. Jimmy Thibodeau a manifesté contre la hausse du salaire minimum à 15 $ dans Gauche RBVU. Et Stéphanie Paradis a critiqué la série humoristique sanglante Santa Clarita Diet dans Patate de Sofa. Alex Marchand nous a raconté l'historique de la vodka dans son segment Dans ma tête. On a aussi eu la visite surprise d'un ami d'Alfalfa, le lutin, oh Cosmo, oui! Le lutin qui aime bien les jeux vidéo. Et pour terminer, on a enfin reçu notre grosse boîte de bonbons qu'on a commandé du Japon il y a quelques semaines. On l'a ouvert en compagnie de Stéphanie dans une édition spéciale d'une grosse pointe tendresse. Une chance que les bonbons japonais existent en ce moment, hein? Je sais bien pas comment tu pourrais être malheureux avec des bonbons japonais dans la bouche, à moins que tu sois en train de t'étouffer avec. Oh. Ouais. Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. Tania, aujourd'hui, tu nous parles d'activités à faire. Oui, en effet, parce que, bon, le mois de novembre, on le sait, c'est un mois qui est gris. On est maintenant rendu le 14 novembre, donc on est quasiment à la moitié du mois. Pour certains, vous avez peut-être déjà accompli vos tâches comme fermer la cour. Acheter les cadeaux de Noël. le grand ménage. Mm-hmm. Donc, il y a un grand ménage automnal, je ne sais pas. Oui, ben je me suis fait dire ça hier, mais je ne suis pas certaine de l'authenticité de la chose. Je vais faire comme si je l'avais entendu. Je suis à saluer ma mère. qui m'a dit ça. Mais aujourd'hui, je vous parle de certaines récompenses que vous méritez à ce temps-ci de l'année. Ah oui! Parce que, justement, ça va vous faire adorer un petit peu plus le mois de novembre qui adorer est très, un peu très plus, tu veux dire l'aimer. Oui, l'aimer, c'est ça. Ouais. Moins l'aimer. Ben, ça dépend. Il y en a qui l'adorent, faut le dire, parce que c'est la température où c'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. En tout cas, hein, ouais. C'est ça. Mettons, là. Je leur donne le bénéfice du doute. Oui, OK, merci. Donc, pour certains, on va être à la recherche de petits coups de pouce pour justement nous aider à passer au travers du mois de novembre parce que, comme je le disais, c'est un mois qui est quand même assez gris. C'est pluvieux aussi parfois et c'est rempli de tâches à faire dans la maison ou à l'extérieur. Puis pour certains, on va se le dire, on haït ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas juste des mug cakes à se faire puis des des pommes en conserve. Où je peux... Non, exactement. C'est pas des pommes en conserve. Des pommes en conserve, de la compote de pommes. Ça, je voulais dire. Faire la compote de pommes. Donc, si vous avez fait un beau travail, vous avez fait un bon travail, vous vous sentez accompli, vous méritez un certain moment de quasi-détente slash récompense. Il faut se récompenser, sinon qui va le faire. Hein? Exactement. C'est ça. Donc, si vous êtes, par exemple, mis à quatre pattes dans les plates-bandes, vous avez démonté l'abri tempo, vous avez travaillé monté, toute la fin de... Ben, ouais, là, vous l'avez monté, c'est vrai. Monté l'abri tempo, vous avez défait votre kit de patio, vous avez fermé la piscine, tu sais, toute cette espèce de panoplie de choses à faire autour d'une maison si vous n'êtes pas en condo ou en appartement. Les avantages d'être propriétaire, hein? Bien, la meilleure des récompenses à tout ça, ça serait bien évidemment de se délier les muscles. Oui. Parce que, bon, hein, on les a utilisés à faire toutes ces espèces de tâches-là. C'est bien dans la mode en ce moment, les espèces de gros rouleaux de plastique là, que tu passes en dessous des épaules. Là. Oui, ça, on peut parler de ça. On peut aussi parler d'une journée au spa. Ah, encore mieux. Donc, c'est un remède dit idéal pour les courbatures qui sont infligées justement par toutes les tâches pour préparer la maison en vue de l'hiver. Donc, abattre le plus d'ouvrages possible en avant-midi, puis terminer la journée au spa, ça semble être une des meilleures façons de faire les choses. C'est un bon compromis. Vous pouvez aussi juste décider de faire deux jours intensifs puis un jour au spa, c'est comme vous voulez. C'est une récompense qui est au bout de la liste des choses à faire. Vous allez voir que le tout va sembler beaucoup moins pénible lorsque vous allez vous dire « Je vais fermer ma cour, puis après ça, j'allais au spa. » Tu sais, tu vas bien faire les choses. Tu vas vouloir te lier les muscles pour très bien te les délier au spa par la suite. Donc, bien évidemment, il y a des spas en Mauricie qui sont merveilleux à visiter. On a 3 spas nordiques en Mauricie, je ne sais pas si vous le saviez. Entre autres, le Kinipi Spa, qui est à Trois-Rivières. Donc, je pense que c'est la place que pas mal tout le monde connaît. Mm-hmm. Sinon, il y a le géospot de l'hôtel Sakakomi. C'est à Saint-Alexis-des-Monts. Ça peut vous faire en même temps une espèce de petit road trip. Là, si vous, comme je disais, vous pouvez passer une journée entière au spa. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous partez tôt le matin. Puis, c'est très beau. Vous allez vraiment vous sentir... out of the city, là. Mm-hmm. C'est incroyable. Dépaysant. C'est super beau. C'est à flanc de montagne, en plein cœur des bois. Donc, dans un magnifique décor qui va être naturel, qui va être chaleureux. Si vraiment, là, vous étiez tanné de regarder vos plates-bandes puis vos fleurs qui sont en train de mourir à ce temps-ci de l'année, bien là, à ce moment-là, lorsque vous allez arriver du côté de Saint-Alexis-des-Monts, vous allez en avoir pour votre argent. Parce que clairement, c'est une des plus belles installations que j'ai eu la chance de voir. J'ai vu des décors incroyables, même du côté de Mont-Tremblant ou tout ça. Mais Saint-Alexis-des-Monts, il y a comme une magie autour de ça qui fait en sorte que le spa, justement, le géospa, est incroyable. Sinon aussi, le troisième qu'on peut expérimenter en Mauricie, c'est l'expérience nordique au Baluchon. Ça se passe du côté de Saint-Paulin. C'est pas trop loin non plus. C'est un site qui est quand même assez intime. Vous allez avoir des bains à remous qui sont chauffés. Vous allez avoir des saunas. On peut parler aussi de feu de foyer qui va donner sur la rivière du Loup. Donc, si vous préférez aussi à l'intérieur, il y a une salle de repos, vous pouvez regarder. Mais comme je le disais tout à l'heure, que ce soit une journée ou une fin de semaine que vous allez décider de vous payer, de vous mériter, mais vous avez quand même des choix en Mauricie, ne vous inquiétez pas. C'est toujours ça qu'on veut garder en tête. Pas trop s'éloigner à l'autre bout du monde non plus, parce que, bon, le temps de novembre, ça veut pas nécessairement dire grosses vacances, hein? On s'entend. Ça veut dire une à deux journées d'attitude. Moi, oui, c'est ça. Congé de maladie. C'est ça, exactement. Ou fin de semaine. Point. Oh, oui. Si vous avez accompli des tâches à l'intérieur de la maison, ce qui veut dire vous avez cuisiné en fou, là. Vous avez peut-être même déjà commencé à préparer vos festins du temps des fêtes. Vous avez rempli le congélateur de bonne bouffe maison. Mm-hmm. Ça veut dire les petits potages. Les pâtés. Tu parlais de compote tantôt, de pommes. Oui, ouais, des pommes en conserve. Les pommes en conserve. Comme on appelle. Exactement. Donc, la récompense en tout ça, eh bien, ça serait une pâtisserie, un bon café dans un endroit qui est tranquille où c'est pas vous qui allez le faire. Oui, et où t'as pas juste 15 minutes pour le manger. Exactement. Donc, pour plusieurs, les journées maussades de novembre sont pas mal synonymes de grosses chaudronnées là, de potage, de sauce à spa, de bouffe, là, vraiment de popote. Et pour vous féliciter, oui, du fait que vous avez pris de si bons soins pour vous ou pour les gens qui vivent avec vous, parce qu'on s'entend que faire de la popote à 14 dans une maison, c'est pas tant top-notch. Fait faire chaud. La plupart du temps, on se ramasse pas mal une seule personne à faire de la popote, puis on se ramasse à la faire pour tout le monde. Mmh. Surtout si on est mère de famille, je vous salue. Je vous lève mon chapeau parce que moi, je le ferais pas. donc, pourquoi est-ce que vous vous accorderiez pas justement le privilège de sortir relaxé dans un café qui va être sympathique pour vous faire servir à votre tour, parce que là, c'est vous qui avez servi pas mal tout le monde. Donc, bien évidemment, en Mauricie, il y a le Café Morgane que vous pouvez trouver pas mal partout. Il y en a d'autres aussi qui sont des petits cafés pas mal plus indépendants. Visitez. Sinon, allez faire un tour sur le site de Tourisme Mauricie. Je vous lance cette idée-là parce qu'ils sont vraiment détaillés. Là. Vous allez avoir la liste complète, en fait, des petits cafés. Il y a aussi le Moulin Lafayette que j'ai découvert récemment à Trois-Rivières, découvert récemment. Ça fait quand même un bon nombre de mois que j'ai découvert tout ça. Mais ça me fait vraiment penser à une pâtisserie qui va être originale, qui va être conviviale. Et vous avez des petits choix de quiche là-bas, les amis. Des petits choix de pâtisserie. Des macarons. Oui, c'est excellent. Donc, honnêtement, vous avez un choix incroyable d'où vous pouvez aller. Vous pouvez décider aussi d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, Masquinongé, le magasin général Lebrun. Mm-hmm. On y pense pas tout le temps, mais c'est maintenant une salle de spectacle aussi. Et ils font du café incroyable là-bas. Donc, vous pouvez très bien vous y rendre, prendre un petit café, aller vous promener aussi. C'est beau, les paysages à Masquinongé. Et ça va vous faire sortir de votre chez-vous. Parce que bien souvent, même si on va au Café Morgane, par exemple, on se dit, bah, je suis à Trois-Rivières, tu sais, je suis chez nous. Oui, il y a un petit moment de repos, mais il n'y a pas nécessairement un moment de repos. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on cherche. Ouais. Si vous avez travaillé à ramasser des gros sacs de feuilles. La récompense que vous pourriez vous donner, c'est de remplir d'autres sacs de création originale en magasinant différemment. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, faire ramasser des feuilles, ça peut servir quand même assez intelligemment à son portefeuille. Ça sonne bien à nos oreilles. Et au lieu de repasser dans les mêmes boutiques où vous retournez toujours pour votre magasinage d'hiver, pour Noël par exemple, bien, faites les choses différentes cette année. Encouragez le commerce local, faites des belles découvertes, jasez avec des commerçants qui vont être passionnés. Ça remplit bien un midi gris de novembre et ça va vous faire découvrir autre chose que le Walmart ou le Sears qui est en train de fermer. Et il y a plusieurs boutiques, même ici à Trois-Rivières. Là, allez vous promener du côté du centre-ville. Ça a l'air de rien, mais les boutiques au centre-ville, on y pense jamais vraiment. Lorsque vient le temps d'aller magasiner pour des vêtements ou encore pour des cadeaux, on pense souvent plus au centre Les Rivières. Mais pourtant, le centre-ville, ça regorge de boutiques, veux pas. Et souvent, ça va être des boutiques qui vont être dites locales parce que ça va être des marchands qui ont décidé de prendre place là et qui ont décidé d'essayer de se faire un petit coin de pays dans notre beau petit centre-ville et d'essayer de travailler. Donc, c'est pas souvent facile, le travail au centre-ville. Donc, si jamais ça peut vous ouvrir d'autres idées que de tout simplement aller dans les boutiques habituelles qu'on connaît du centre Les Rivières, bien, justement, faites différent. Aller au centre-ville, même un petit peu plus loin, dans les petites fermettes, des fois, encore à ce temps-ci de l'année, ça va être possible pour vous d'aller chercher des produits qui sont faits locaux. On parlait de compote tantôt, mais les confitures, tout ça, ça peut être des choses qu'on peut très bien assembler en panier pour des cadeaux. Alors, ça amène aussi quelques idées si jamais ça vous intéresse. Travail accompli, là, je pense que je vais peut-être plus parler au monsieur qu'aux mesdames. Sexiste. Mais, non, mais c'est parce qu'on parle d'air lousse. De quoi? Tu connais pas les air lousse? Non. Ben, c'est quand tu accomplis une tâche, dite manuelle, okay. Que ta femme ou que ta blonde veut que tu accomplisses. Ah. Et par la suite, tu vas pouvoir avoir une soirée de chum. OK. C'est accomplir des air lousse. J'avais jamais entendu ça. Pour vrai? Non. En tout cas, je pense que ça vient d'un humoriste qui avait dit ça il y a quelques années et c'est resté. Eh ben. Donc, messieurs, si vous avez accumulé justement des airlous, vous avez donné du temps à votre demoiselle pour l'aider à quelques tâches, soit aux alentours du ménage ou vous avez aidé à démonter ou à monter l'abri tempo puis le kit de patio, bien la récompense, ça serait justement enfin de faire une sortie de gars ou encore une sortie de fille. Si vous êtes deux colocs ensemble, ben vous avez aidé votre coloc à faire quelque chose ou peu importe si vous êtes un couple de deux filles ou de deux gars, peu importe, vous avez accompli des air lousses, là, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça de calmer le sexisme que j'ai dit tantôt. Hein? C'est ça exactement. Donc, tout le monde. On se promet depuis longtemps de se faire une sortie de gars ou se faire une sortie de fille. Donc de ce côté-là, il y a des bons restaurants, je pense qu'à Trois-Rivières, on n'a pas vraiment de trop loin à aller chercher. On a une panoplie de restaurants. Certains diraient trop de restaurants. Oui, c'est ça, exact. Qui sont très diversifiés, hein, sachons-le. Donc, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et ça peut être votre récompense à tout ça. Votre sortie de fille ou votre sortie de gars, ça peut tout simplement être un bon souper au resto, une belle soirée. Il y en a des gangs de filles qui trippent à aller regarder le hockey, sachez-le, là, en tout cas... je lève la main. Donc, ne vous surprenez pas, messieurs, si vous êtes, par exemple, à la cage au sport et qu'il y a une table de filles qui sont en train de crier à côté quand ça score pour le Canadien, c'est possible. C'est pas des énergumènes, OK? Donc, justement, de ce côté-là, bien, comme je le disais, il y a plusieurs restaurants qui sont très diversifiés. Il y a des restaurants aussi qui vont être spécialisés, comme par exemple la cage au sport. C'est sûr, si vous aimez pas nécessairement le sport, allez pas là. On s'entend. Des restaurants qui sont pas des chaînes non plus, bien, encore une fois, aller plus vers le centre-ville. Le Boc, on y pense pas souvent parce qu'on est un petit peu plus à l'écart du centre-ville, de la rue principale. Mais c'est excellent. Vous allez avoir une ambiance incroyable. C'est très chaleureux. Le décor est merveilleux. Ouais, vraiment. Et vous allez avoir aussi des accords mai-20 si vous tripez là, ce type de souper-là. C'est vraiment une équipe incroyable qui va pouvoir vous servir vivre du côté du Buck, c'est vraiment quelque chose à vivre au moins une fois. D'aller vivre cette petite expérience-là du côté du Buck, qui est un petit peu à l'écart, ça va peut-être aussi vous amener cette fameuse tranquillité-là, de vous dire, ben, à soir, on est juste entre filles, puis au pire, après ce gros souper-là, on sortira sur la rue principale, ça va vous changer d'air, vous allez voir. Sinon, dans les travaux accomplis, bien, si vous avez travaillé dur toute l'année sur votre ordinateur, sur vos travaux, la récompense, ça pourrait de se planifier de belles vacances cet hiver ou l'été prochain. Donc, c'est pas mal le temps où vous pouvez commencer à regarder tout ça sur les sites de voyage, justement. Pourquoi pas utiliser du temps devant l'écran pour, par exemple, magasiner un chalet pour cet hiver ou tout simplement fantasmer sur un prochain voyage de pêche, messieurs ou mesdames, en pourvoirie l'été. Tu sais, en Mauricie, on en a ce genre de choses-là. Et si vous allez un petit peu plus loin, bien, ça coûte rien de rêver non plus. Donc, vous pouvez recommencer à regarder les prix, vous dire que vous allez les magasiner quand même pendant un bon moment. Mais de voyager, souvent, ça va amener le côté culturel qui va être différent, tout dépendant de où vous allez voyager. Et ça va vous amener aussi cette espèce de restriction-là du budget du temps des fêtes. Si vous vous dites, moi, je veux voyager après les fêtes, vous allez voir que vous allez pas mal plus tenir votre budget pour les cadeaux que si vous voyagez pas. C'est un petit truc que je dis comme ça. C'est vous qui le savez. Mais novembre, ça peut être heureux comme moi. Il faut arrêter de le voir gris comme il est. Il faut arrêter de le voir pluvieux. Il faut arrêter de le voir maussade et plate. Ça peut être très, très le fun d'être au mois de novembre comme ça et de s'amuser. Bon. Le dernier que je veux vous présenter, en fait, c'est un événement qui va avoir lieu du 23 au 26 novembre. Si vous avez tout accompli, si vous ne savez pas trop dans quoi je vous ai présenté quelque chose, vous dites ça ne me rejoint pas nécessairement, bien sachez que du 23 au 26 novembre prochain, c'est le 12e Salon des métiers d'art de Trois-Rivières. Et là, quand on parle du Salon des métiers d'art, qu'est-ce qu'on dit là, à ce moment-là? Bien, c'est plus de 40 artisans qui sont créateurs, qui sont issus de plusieurs familles de métiers d'art, qui vont être présents pour justement vous émerveiller. Et ça va être du côté de l'amphithéâtre Cogeco cette année. Donc, on parle de bois, on parle de métaux, des bijoux, du verre, de la poterie, céramique, textile. Vraiment, là, il y en a pour tous les goûts. Des cuirs, des peaux, donc des artisans qui vont vous charmer grâce à leurs créations qui sont uniques. Si jamais ça vous intéresse, il y a un événement qui a été créé sur Facebook. Vous avez juste à aller même pas vous inscrire parce que l'entrée est gratuite. Ça vous coûte absolument rien que d'aller là. Mais il y a un horaire. Donc, si jamais vous voulez vous présenter là, par exemple, à midi, un jeudi, bien, faites pas ça, ça sera pas ouvert. Ça ouvre à 6 heures, tu sais. Donc, ouais. De ce côté-là, regardez l'horaire de comment ça va se dérouler. Mais vous allez peut-être, justement, découvrir un charme incroyable par rapport aux métiers d'art et aux métiers qui sont dits souvent locaux aussi. Donc, c'est très intéressant. Moi, c'est sûr que je vais aller faire un tour. Je vais vous en reparler de comment ça a été. Mais... si jamais vous voulez tout simplement vous changer les idées après votre ménage, très bonne idée, Salon des métiers d'art. Oui, tout ça, c'est de bonnes idées. Oui, merci. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain you à Assemblage Rocky tous les matins. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Dans ma tête, avec Alex Marchand. Hello! Hello! Hey. Alex Marchand! Ok, oui! Hey, savez-vous quoi? Je pense que je vais laisser l'écho finalement. Tu sais, t'aimes je prévois réenregistrer. Ça fait cheap un peu cette femme? Ben, c'est que ça fait cheap, sauf que tu sais, c'est dans ma tête. Je suis quelqu'un d'assez fondamentalement perdu. Fait que ça prenait de l'écho pour démontrer qu'il y avait beaucoup d'espace à la créativité c'est dans ça. Ma tête. C'est comme du squash, là, ça rebondit ses murs dans son cerveau, cette femme. Exactement. Bref, attention, on a écouté une pièce de Charrue et ça t'a amené à parler un petit peu de l'accent des gens de Joliette. Ah oui, l'accent des gens de Joliette. Joliette. Ça prononce pas beaucoup les consonnes à Joliette. Pourquoi? C'est sûr des problèmes question. Dedans. Peut-être. On a parlé de mâchoire et de menton. Je pense qu'on a trouvé la source de l'accent de Joliette. Je sais pas. Ah, ben, ça se peut. Ça part de la bouche. C'est important de savoir que historiquement, Joliette, c'est un peu le centre agricultural de la Naudière. Ouais. Il y a beaucoup de municipalités autour qui ont beaucoup de champs.

Mais ce serait pas le sujet de notre chronique, par contre. Non, mais c'est le fun de parler de Jello, des fois. Ça... Ben oui, c'est bien sûr. Pouding! Petit pouding! Donc oui, toujours à Assemblage Requis. Et maintenant, c'est notre nouvel ami de cette session-ci, je pense, quand même. On doit dire qu'on est très heureux de l'avoir chaque semaine, Jimmy Thibodeau. Sauf que la semaine passée, où il était absent, mais quand même. Ta moyenne est bonne. Ma moyenne est pas si pire, ça va. Donc, Jimmy Thibodeau pour Gauchère Bévue, qui déboulonne les idées reçues de la gauche. C'est ce qu'il fait. Tout en étant de gauche, bien sûr. Tout en étant de gauche, on va le dire. Il critique son propre bord, mais des fois, il faut bien le faire. C'est ça. Je suis pas un vendu de la droite, là. Quelqu'un doit le faire. Accusez-moi pas de conspiration, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Il y en a qui pourraient penser que t'as des tendances un petit peu de droite, des fois. Ah, c'est ça. Mais ça montre ton côté centriste. Gauche, ah non. Je veux pas d'étiquette encore. Pas d'étiquette. OK. Je suis un social-démocrate convaincu. Bon, Bernie Sanders. Ah, pour vrai, oui. Let's go, Bernie. Mais justement, là, tu sais, on parle de social-démocratie, de Bernie Sanders, puis d'égalité, peut-être, là. Ouais. Mais ça m'amène à mon sujet d'aujourd'hui. Hey, je l'ai-tu l'affaire en s'en sortant? Non, mais... je sais vraiment pas le pire. J'espère que vous êtes pas pour le salaire minimum à 15$ de l'heure, parce qu'aujourd'hui, je suis pas content. Okay, oh. Je sais plus quoi en dire, quoi en penser. Moi non plus. Parce que si c'est peut-être sarcastique son affaire. Peut-être que dans le fond, il faut qu'on soit pour. C'est peut-être délétère. Ah non. Faut vraiment pas que vous soyez pour. OK. OK. Explique-nous pourquoi. Ouais. Bon. Qui veut pas avoir genre un salaire convenable dans la vie? Je vais tout vous expliquer ça, vous allez tout savoir. Ça. C'est parce que l'économie va tomber, c'est tout ça. Le monde va... Ah, c'est des menaces de droite, ça, c'est ça. C'est ça qu'on se dit. OK, on va partir du début. Okay. Le salaire minimum à 15$ de l'heure, c'est quoi? Ben, ça part d'un mouvement politique dans toute l'Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, il y a eu un mouvement dans les chaînes de restauration rapide qui s'appelait Fight for 15. Et là, c'est 15$ US. Exact. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un truc intéressant. Ouais. Et puis, ils se battaient pour ça dans les chaînes de restauration rapide. Puis, c'est un mouvement qui a pris plusieurs villes par surprise aux États-Unis. Puis, ça a fait du chemin depuis un petit bout, là, en fait. Ça fait plusieurs mois que c'est en branle. Puis, certains endroits en Amérique du Nord ont commencé à adopter la politique du 15$ l'heure comme salaire minimum. Il y a la Californie, New York, Washington, Seattle et même la province de l'Alberta chez nous, au Canada. Chez nous au Canada. Ah, ça, c'est vraiment non. Ouf, il aime pas ça dire ça. Je retire ce que je dis. Non, c'est pas chez nous, pas chez nous. OK. Puis en fait, il y a plusieurs partis de gauche, plusieurs personnes de gauche, plusieurs mouvements de gauche qui reprennent l'idée des 15$ l'heure. Au Québec, on en parle beaucoup. Québec solidaire a endossé explicitement cette position-là du 15$ de l'heure. Canadien. Canadien. Puis ça, c'est une idée intéressante parce que... mais là, tu commences déjà à avoir un petit peu... dans son jeu. L'ombre d'une critique je vais faire. Là. Mais bon, l'idée est quand même intéressante à la base parce que en fait, on sait qu'il y a des grandes inégalités en Amérique du Nord au niveau de la richesse. Ah, mais ben, oui. Non! Je vous jure. Voyons donc. Pas ça de même à froid. Franchement, il fallait préparer le terrain avant. Ben, Non, mais en plus, puis les gens plus pauvres aussi ont un petit pouvoir d'achat. Même s'il a quand même relativement augmenté au Québec ces dernières années, il reste très bas. Il y a quand même de grandes inégalités. Et puis même si les États-Unis sont vraiment les champions des inégalités, au Canada, on n'est quand même pas sorti du bois non plus. On a plein de travers là-dessus. Entre autres, il y a le truc des paradis fiscaux qui est revenu encore ces dernières semaines. Puis effectivement, le Canada devient tranquillement un paradis fiscal lui-même. Et puis... c'est lui qui a permis de créer beaucoup de paradis fiscaux lui-même historiquement. Là, donc, c'est assez intéressant de voir que le Canada, le bien-pensant Canada, est finalement pas si propre et blanc que ça. Mm-hmm. Mais bon, alors, l'idée est quand même intéressante à la base, mais ça n'a juste pas d'allure. OK. Et moi, en fait, là, je dirais que c'est même de l'illettrisme économique. Il va fort, là! Non, ça n'a vraiment aucun bon sens. Que la gauche défende ça, 15$ de l'heure, en Amérique du Nord, mur à mur, c'est pas un peu louche, ça? Je sais pas, mais déjà que, effectivement, la monnaie, c'est pas la même aux États-Unis. 15$ de l'heure aux États-Unis, ça vaut pas 15$ de l'heure au Canada, premièrement. Puis, c'est ça, la campagne est globale, mais le salaire minimum devrait pas être pareil partout. Là, c'est une absurdité totale. Ça donne 19,07$ environ. En canadien, c'est ça, ouais. C'est ça. Fait que, mais en plus, le salaire minimum ne devrait pas être le même partout parce qu'il faut pas juste se fier à l'argent, aux revenus concrets qu'on a. parce qu'il faut se, il y a plusieurs autres paramètres. Il y a les impôts qu'on a, donc on paye, donc il y a le revenu net à la fin. D'autres choses qui sont intéressantes à noter, c'est par exemple ben, la qualité de vie en tant que telle. Si on évaluait juste le revenu brut, là, les gens du Danemark seraient pauvres puis seraient dans la misère. Là. Mm-hmm. Mais non, mais ils ont 50% de leur revenu en impôts qui sont pris comme ça, puis ils ont plein de services. Puis l'État fait en sorte que ben ils ont même des trucs, des activités sociales payées par l'État. Donc, ouais. C'est eux qui ont le ouais. service de santé pour tous, hein, c'est ça? Ah, mais comme nous, d'une comme certaine nous. Manière, mais, ouais. Mais vraiment... C'est là-dessus que Bernie Sanders disait genre que les États-Unis devraient s'inspirer du, je crois que c'est le Danemark. Le Danemark, ouais, mais ils prennent aussi le Canada comme en exemple et des trucs comme ça, ouais. Effectivement, mais le Danemark aussi est très fort au niveau des services santé, puis ils vont plus loin que nous dans les services sociaux en général. Ils se Danemark beaucoup des autres. Ben, c'est ça. Donc voilà, une autre chose aussi qui est intéressante à noter, c'est qu'à certains endroits, ben, le coût de la vie est plus cher. Oui. Si tu as 15$ de l'heure à Trois-Rivières versus 15$ de l'heure à Vancouver, c'est deux choses complètement différentes. Pas mal. Mais ouais, mon Dieu, oui. 15$ de l'heure à Vancouver, là, t'as de quoi vivre limite. Puis je pense encore, là, les appartements sont tellement chers là-bas. Le moins cher doit être deux fois plus cher qu'ici à Trois-Rivières, les appartements. Là. Mmh. Tandis qu'ici, un appartement à Trois-Rivières, tu peux en avoir un appart tout seul à toi-même pour 400$ par mois. À peu près, mmh. Ouais. Ben, ça, là, c'est un des endroits les plus beaux au Canada, en fait, mm-hmm. Techniquement. Puis, même à Montréal, c'est rien du tout, ça, 400 ouais, piastres. Ouais, non, c'est ça, t'as pas de chambre. Ouais. T'as une salle de bain. À 15 piastres de l'heure, là, à Trois-Rivières, là, tu vis. Que, ben, t'es pas riche, là, mais tu vis bien quand même. Et contrairement à d'autres endroits comme Vancouver, où là, t'as besoin de. Pareil comme à Seattle ou en Californie, mm-hmm. ça coûte bien plus cher, c'est normal. Ouais. Mais à Trois-Rivières, ça coûte pas cher. 15$ de l'heure, c'est être beaucoup plus riche que 15$ de l'heure là-bas. Ouais. Donc, tout est relatif. C'est 15$ vrai. De l'heure partout en Amérique du Nord, ça n'a aucun... Hey, ouais, ça n'a aucun allure. Je ne l'ai pas mal échappé. Tu ne l'as pas mal échappé. C'est ça, okay. On te pardonne. Ah, c'est ça. Donc oui, c'est ça. Certains endroits ont besoin d'un salaire minimum plus élevé. Et bon, certains endroits ont besoin d'un salaire minimum moins élevé. Donc voilà, ça, je l'ai déjà dit. J'avoue que c'est pas très adapté à différents marchés. C'est... Non, c'est ça. C'est comme un ben, tous, c'est ça. Tous pour un. Mais mm-hmm. un autre argument qui est dit aussi souvent, c'est en fait, ouais, ben là, on peut pas juste... ben, les riches, il faut bien qu'ils nous redonnent de l'argent un petit peu. Les patrons là, qui s'en mettent plein les poches, mm-hmm. pourquoi ils ne donnent pas 15$ de l'heure? Il me semble que ce serait juste un retour du balancier qui serait équitable. Mais ça, c'est un autre argument qui n'a pas d'allure. Parce ça, que les patrons, on sent... On s'en fout un peu. Ben, on s'en sac. Ouais, c'est ça. Il y a un gars, ben, John Betts, le directeur de la chaîne McDonald's au Canada, qui disait en août 2017 dernier, tu sais, ça fait pas longtemps. Il disait, ouais, c'est possible pour nous autres un salaire à 15$ de l'heure, ça nous ferait pas grand chose. Ah, ben, c'est ça. Merci, grand intellectuel et humaniste de ce monde, là. Mais c'est pas de toi qu'on parle. Non, c'est ça. En fait, le problème, c'est les PME. Prendre l'exemple de mon père, en fait, qui lui a un dépanneur dans un village en région près de Trois-Rivières. Lui, il paye ses caissières au salaire minimum, puis dans le fond, s'il se mettait à devoir payer 15$ de l'heure, là, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il couperait des heures pour les caissières parce qu'il n'y arriverait pas, tu sais. Oui. Couper des postes, sûrement. Ben oui, il faudrait que lui puis ma mère, dans le fond, sa femme, se mette à travailler plus souvent, mm-hmm. à se mettre à la caisse pour Et c'est déjà beaucoup de job, là, une PME, quand même, d'entretenir ça. Fait que, en règle générale, quand on monte trop les salaires comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait en sorte que les PME, on engage moins de personnes, puis moins longtemps. En fait, c'est déjà arrivé. Hein. On a déjà, dans les années 70, sous René Lévesque, on a déjà monté le prix des... ben, pas le prix, mais on a monté le salaire minimum de quand même substantiellement de 10%, je pense, quelque chose comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Ben, le taux de chômage chez les jeunes a monté, a fait x2 et même plus, en fait. Il a monté de 115% si ma mémoire est bonne. Ouais. Wow. Fait que là, René Lévesque avait été obligé de geler les salaires minimums pendant 5 ans. Ils ont pas redescendu, ils ont juste gelé. Il s'est juste gelé. Mais en fait, avec l'inflation, ça fait en sorte que les salaires minimums, ben en fait, de facto, comme ça baisse, si on veut. Ah, okay. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça, il n'y avait pas le choix de geler les salaires parce qu'on perdait de la job. Puis même à Seattle, en fait, où on a monté le salaire minimum, à Seattle, le coût de la vie est très cher. Là, c'est comme Vancouver. Puis ils ont monté le salaire minimum à 15$ de l'heure. Puis on s'est rendu compte, dans le fond, que les heures travaillées ont baissé de 9% là-bas aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que Imaginez au Québec, si on montait ça à 15$ de l'heure. Là, aujourd'hui, notre, on est rendu à quoi? 11$, je pense? Ça et 50, dans ouais, ce coin-là, 11 et quelque chose. Hein? Bon, ça, monter à 15$ de l'heure, là, c'est beaucoup de pourcentage. Oui, oui. Beaucoup. Puis c'est au moins 3 fois plus que la montée dans les années 70. Fait que, imaginez ce que ça pourrait, comment ça pourrait faire mal. Puis dans le fond, là, comment on fait pour trouver quel bon salaire minimum il nous faut dans une société donnée? Ben, évaluer la qualité de vie, puis c'est tout le temps relatif. Mais il faut aussi évaluer quelque chose d'important, c'est-à-dire comparer le salaire minimum au salaire moyen. Si tu as un salaire moyen vraiment, vraiment très bas, soit à cause des impôts ou quoi que ce soit, ben là, tu n'as pas besoin de monter ton salaire minimum presque au salaire moyen. Sinon, tu vas perdre des jobs. Le chômage va monter ben trop haut. C'est de l'économie de base. Ça, je comprends pas pourquoi il y a des gens de gauche qui disent non, 15$ de l'heure, égalité, mais man. Mais d'où est venue l'idée, tu sais, de demander 15$ de l'heure tout en Amérique du Nord? Il me semble, déjà là, c'est comme un red flag. Déjà au départ, ça me dépasse, en tout cas, personnellement, mais. Fait que dans le fond, c'est quoi nos solutions qu'on pourrait faire autrement? Parce que, tu sais, l'idée du salaire à 15$, c'est pour avoir plus d'égalité, aider les pauvres. Mais là, si on dit non, c'est pas bon, les salaires, c'est relatif, faut pas que ce soit partout pareil, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Est-ce que ça devrait être comme chez Dollarama où c'est 1$ et plus? Tu pourrais avoir salaire minimum à 15$! Et moins, ouais, puis c'est dépendant. Mais dans le fond, ce qu'il faut faire, ben, premièrement, c'est sûr que faut pas geler les salaires minimums comme René Lévesque l'a fait, là. Mm-hmm. Et 25, à moins qu'il y ait un problème, c'est ça. C'est sûr qu'il faut toujours suivre l'inflation. Il faut ajuster le salaire à l'inflation chaque année, de sorte qu'on ne perd pas de pouvoir d'achat. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, un État qui a de l'argent doit investir en société dans les services pour que les gens aient une meilleure qualité de vie ou pour leur permettre de gagner plus, par exemple en investissant en éducation. C'est comme ça qu'on permet aux gens de sortir de la misère en partie. Mais un autre truc aussi à faire, c'est pas de toucher au salaire minimum. Parce que les salaires minimums, le problème avec ça, c'est que si tu montes les salaires, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Ils peuvent couper de la job, couper des heures de job, ou encore ils peuvent monter les prix pour les consommateurs. S'ils montent les prix, qu'est-ce qui arrive? Bien, on refile la facture aux consommateurs. Imaginez le McDonald's qui monte le salaire minimum à 15$ de l'heure, puis qui monte les prix de leur bouffe. Puis la clientèle du McDo, il y a toutes les classes, toutes les classes sociales qui vont manger au McDo, mais il y a surtout beaucoup de plus de faibles revenus qui vont manger au McDo. Fait qui aurait la facture du 15$ l'heure finalement? Les consommateurs plus pauvres. Mais mais peut-être que ceux-là qui auraient un salaire minimum à 15$ de l'heure mangeraient chez McDo. Puis là, tu sais, ça redevient pas comme la même chose si tout le monde finit par avoir le 15$ de l'heure minimum. Ça revient dans l'engrenage d'acheter, de payer. Ben, d'une certaine manière, oui, ils vont faire leur argent quelque part, ça c'est sûr. Puis, mais l'idée, c'est ça. Dans le fond, si tu augmentes le salaire minimum, les entreprises peuvent répliquer avec deux moyens différents, c'est-à-dire couper ou monter les prix. T'sais. Fait que ça nous aide-tu tant que ça? On peut remettre ça en doute pas mal. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui marcherait vraiment? C'est ajouter la fiscalité. Si tu... au Québec, par exemple, on a réduit les paliers d'imposition, par exemple, ce qui est complètement absurde. Il faudrait vraiment revoir l'imposition pour imposer graduellement plus les riches. Parce que en ce moment, les gens qui gagnent plus de 100 000 $ puis les gens qui gagnent $1 million au Québec n'ont pas à payer d'impôts substantiellement... Plus. Gens qui gagnent $1 million, c'est ça. Est-ce que c'est le même pourcentage? Le pourcentage augmente un petit peu? Le pourcentage, il me semble, si ma mémoire est bonne, augmente juste un tout petit peu, mais à partir d'un certain seuil, ça monte plus du tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il faut plus de paliers, déjà d'une part. Puis d'autre part aussi, on peut donner des allocations aux plus pauvres, réduire leurs impôts, puis monter les impôts de l'autre côté. Tu sais. Puis ça, ce que ça fait, les gens peuvent pas s'en échapper. Les gens plus pauvres vont avoir de l'argent dans leur poche direct, ça c'est sûr. Il n'y a aucune manière de leur enlever parce que c'est calculé à partir du revenu. Puis pour les riches, ils peuvent pas s'en échapper non plus. Les grandes entreprises peuvent pas monter le prix de leurs aliments, par exemple. Parce que s'ils font ça, qu'est-ce qui arrive? En fait, leur revenu monte. Si leur revenu monte, leur charge fiscale augmente aussi. Donc, ils sont obligés de payer, en fait, si on montre les impôts. Après, c'est sûr qu'il y a l'évasion fiscale. Mais ça, si le gouvernement du Canada pouvait se tenir debout, ça serait autre chose. Mais voilà, c'est ça. Dans le fond, la fiscalité, c'est beaucoup plus efficace. Ça, puis investir dans les services sociaux, faire en sorte qu'on ait une meilleure qualité de vie, parce que le salaire, c'est pas tout. Il y a aussi ben, comment on vit, les conditions de travail, etc. Donc, c'est vraiment s'obstiner sur le 15$ de l'heure, partout, mur à mur en Amérique du Nord. C'est de l'illettrisme économique. C'est pas savoir comment ça marche l'économie aujourd'hui. Puis en plus de ça, ça fait juste décrédibiliser la gauche là, en ce moment, j'ai l'impression. C'est sûr que, bon, je sais pas si du côté de la droite, ils ont le même genre de critique, je pense pas. Mais c'est quand même pas crédible, franchement. T'sais, les gens qui ont la moindre notion en économie, qu'est-ce qu'ils peuvent penser, par exemple, de Québec solidaire qui propose des choses comme ça? Ça a juste pas de bon sens. Si on veut vraiment comme avoir un débat rationnel en économie, puis en salaire minimum, puis en aide aux pauvres, il faut commencer par regarder la base de la base, puis se dire, ben non, 15$ de l'heure, ça a pas de sens. Tout est relatif à ce niveau-là, puis c'est la qualité de vie qui importe. Mm-hmm. Puis ça, on peut comparer ça pour vrai, ouais. Pas le salaire. Mm-hmm. Voilà. Dans les faits. C'est ça. Dans les faits. Mm-hmm. On veut une carte postale pour faire nos impôts, comme les États-Unis proposent. Une carte postale. Ouais, on va faire nos impôts sur une carte postale. Ouais, ouais. Ouais. Je penserais pas, moi. Avec une photo de qui derrière? Ouais, c'est ça. C'est la grande question. Merci, Jimmy Thibodeau. On pense à ça. Les finances, c'est. Hein? C'est, ben, c'est le fun, c'est le fun. Ben, c'est le fun. C'est un sujet tellement stimulant. C'est ça. Ben, on a vu ça. Ouais. Il est tout très. Non, mais pour vrai, c'est pas le temps le fait que c'est grave. Hein. C'est parce que, dans le fond, si le salaire minimum était. Ben, ça serait grave quand même parce que ça ferait plein de chômage, là, mm-hmm. probablement. Mais c'est juste une idée tellement. Stupide, dans le fond. C'est ça qui arrive. Est-ce que tu penses que ça va avoir lieu, même si tu trouves ça stupide? 15$ de l'heure, ça arrivera jamais. Non. Il faudrait que Québec solidaire arrive au pouvoir pour commencer. Mm-hmm. Puis encore là, quand un parti arrive au pouvoir, il y a les promesses, il y a les engagements électoraux, la plateforme électorale, pour être plus précis, puis il y a ce qu'on peut faire techniquement dans un gouvernement. T'sais. Un gouvernement, ça a des comités d'évaluation de plein d'affaires, ça reconsulte des experts, ça a des ministères avec des fonctionnaires. Mm-hmm. Fait que tu sais, les belles idées sur papier dans un parti, plus la vraie gestion dans un gouvernement, c'est deux choses différentes. Fait que même si Québec solidaire était au pouvoir, je pense pas que ça arriverait. L'idée du 15$, du 15$ d'heure. En tout cas, je suis très pessimiste à ce niveau-là. Est-ce qu'il pourrait faire un petit compromis, un 13,50$? Ben c'est sûr qu'on peut l'augmenter. Ça, c'est pas une question. C'est pas... L'idée, c'est pas de geler le salaire, en fait. Faut que ça suive l'inflation, ça, c'est sûr, d'une part. Puis, on pourrait l'augmenter aussi, mais pas se dire, 15$ de l'heure comme tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mm-hmm. Ça dépend de nos besoins. Mais, tu sais, en fait, là, ce qui est intéressant, puis que j'ai pas dit, c'est que 15$ de l'heure, en fait, en Alberta, ceux qui ont 15$ de l'heure en Alberta ont le même pouvoir d'achat que les gens qui sont au salaire au minimum au Québec. OK. En fait. Je dis pas ça à travers mon chapeau, là, j'ai pris ça du magazine L'Actualité. Fait que dans le fond, c'est ça. Avec le salaire minimum qu'on a, c'est comme si on avait le 15$ de l'heure en Alberta. Étant donné la différence des prix relativement au salaire. Du coût de la vie, exactement. Okay. Puis. Donc, puis en plus, on a un État qui nous permet d'avoir une société plus égalitaire avec beaucoup de services. Fait que là, rendu là, 15$ de l'heure, c'est peut-être trop dans notre cas. Ben, c'est une augmentation beaucoup trop forte déjà dès le départ. D'un coup sec. Mais augmenter un peu, on peut toujours en discuter. Ça, c'est pas. Mais il faut toujours s'assurer que ça a pas. Ça fasse pas l'effet d'une bombe sur le marché de l'emploi. T'sais. Il faut faire attention à ça parce que c'est la grosse base de l'économie. Voilà. J'espère que vous allez vous en faire une opinion vous-même à la maison. Moi, je pense que c'est le cas ici, en studio. Donc, merci encore une fois, Jimmy Thibodeau. On se reparle la semaine prochaine. C'est toujours les mardis à partir de 9h pour Gauchère Bévue. Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. On a toujours Stéphanie Paradis avec nous. Hé hé ho ho! Hé hé ha! Qui est là pour une édition très spéciale, en fait, en équipe et avec un achat commun. Ouais. De ce qu'on appelle une grosse pointe tendresse. Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse! Une grosse pointe tendresse, c'est la colle dans laquelle on goûte un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit gardé dans mon tiroir ou dans ce cas-ci à côté de mes tiroirs parce que ça rentrait pas dans le tiroir. Ça, ça veut dire que c'est gros, gros. On aime ça quand c'est gros. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a acheté cette fois-ci à trois en gang. La dernière fois que Stéphanie est venue, je crois que c'était il y a un mois. Parce que t'es pas venu il y a deux semaines, donc c'était vraiment. Trois semaines. Trois semaines. Non, ça fait plus longtemps que ça. Cinq semaines, probablement. C'est comme une précédente chronique. C'est ça, exact. Bref, peu importe. Hein, après la chronique, je me rappelle pas pourquoi on avait parlé de ça, je crois, dans le blog de nouvelles, d'une grosse pointe en dresse. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on commande une Tokyo Tree Box! Yeah! Et là, avant de sortir le sac, anecdote. Okay? Ben là, on sort ton sac. Anecdote. J'ai déjà raconté, Stéphanie, un petit bout de cette anecdote-là. C'est pas le bout le plus important. Quand j'ai commandé, ma carte PayPal, ça a pas marché. J'ai cliqué, ça n'a pas passé. Donc, j'ai commandé deux fois. Oui. Je les ai courriellés pour leur dire, j'ai commandé deux fois. Ils ont annulé mon paiement d'une boîte. Sauf que, quand j'ai reçu mon colis, il y avait deux boîtes. Fait que je sais pas si c'est la boîte de septembre et la boîte d'octobre ou... deux fois la boîte de septembre, mais j'en ai juste payé une. Je sais pas encore, le mystère est dans la boîte. Oh mon Dieu, mais c'est encore plus excitant. Ben, c'est donc bien hot. Penses-tu qu'ils t'ont, qu'ils nous ont envoyé une boîte supplémentaire pour s'excuser de leur erreur? Ça se peut. Sinon, l'autre option, c'est que j'ai pas... tu sais, il faut que quand tu commandes une boîte, t'es en engagement de trois mois. Ouais. J'ai pas annulé assez rapidement. Peut-être que c'est le deuxième mois qui a embarqué suite. Là, j'ai annulé depuis. Fait que je sais pas, je suis dans le néant parce que parce que je trouve ça bizarre que deux boîtes soient arrivées. T'es certain que c'est un engagement de trois mois? C'est pas pour une boîte? Ben, ça serait, c'est peut-être pour une boîte, mais il y a un renouvellement automatique. Ils savent ce qu'ils font. S'ils veulent faire de l'argent, on pourrait Ils sont pas fous. Bref, le sac est derrière moi. C'est un sac de Target. Mathieu, est-ce que tu te souviens combien de treats il devrait y avoir par boîte? Comme ça, on pourrait savoir si c'est vraiment une boîte supplémentaire. On avait pris la grosse, si on aurait dû, on aurait dû installer Internet dans le studio. Je pourrais ouvrir, je vais m'ouvrir tantôt un onglet. Tania, peux-tu ouvrir un onglet, s'il te plaît, de Tokyo Treat? Allez voir. Si je me trompe pas, sens, c'était 15. Ce qu'on avait commandé. Parce qu'il y avait des boîtes petites, moyennes et grandes. Mais il me semble qu'on avait pris la moyenne parce que dans la grosse, il y avait des boissons. Ça aurait sûrement peut-être coûté du dédouanage ou je sais pas trop quoi. Ça, ça m'a rien coûté en tant que tel, à part le shipping qu'on avait déjà payé sur le site web. Donc, il n'y avait pas de frais supplémentaires. C'est des boîtes écrites complètement en japonais dessus. Il y a seulement des trucs de Post Canada qui sont écrits en anglais et en français, des trucs de douane. Sinon, il y a vraiment des chiffres entre parenthèses en anglais. En caractère qu'on comprend, là. C'est quoi, gréco-romaine, je sais pas quoi. Bref, les deux boîtes sont très très jolies, orange. Oui. Avec sur le côté, un bol de quelque chose avec un fouet à côté, des fraises, des des petits pokis. Ben les petits bâtons de biscuits fraises, trempés, au chocolat, aux amandes. Mais moi je la trouve triste la boîte. Tu trouves? Ben oui. Au niveau du caractère, il y a des petits poissons, des petites. Mais je trouve que ça manque de couleur. C'est juste orange et blanc. J'avoue que c'est un petit peu. Ça devrait pas. J'arrive pas à savoir à cause que le mois est terminé. Tokyo Treat. Ah mais j'imagine que c'est la même chose à chaque mois. Oui c'est ça. Il y a trois formats de boîte et il y a un nombre de treats différents. Mais vous rappelez-vous lequel on avait pris? Le la médium. Ouais. Mais on peut pas magasiner par grosseur de boîte. T'es sûr? Attends, tu peux jouer y aller moi-même. Tokyo Treat. Parce que c'est moi qui l'ai acheté quand même. Je me rappelle ce que j'ai attends, fait. Attends, choose your plan. Aha! C'est une course! Shipping gratuit en plus, hein? Attends, mais... T'as-tu combien ça a coûté, Mathieu? C'est pas la premium, c'est la classique, je crois. Il me semble que c'était 25$ par mois, si je me rappelle bien. Ouais. C'est ça. À l'intérieur de la classique, on a 12 articles, 4 snacks japonais populaires, 4 paquets à partager, 2 dagashi, on va voir ce que c'est, un kit pour faire ses propres bonbons, un snack kinosei, et le free shipping. Et le free shipping. Alors que Premium aurait eu en plus un snack d'animé japonais, une boisson de 350 à 500 millilitres, etc. Fait que bref, dans une boîte, il y a combien de cossins? Combien d'items? 12. D'accord. Voilà, de vrai. Ben, il y en rentre 12 dans une boîte. Oui, je vais voir avec le poids. Les deux ont l'air assez pareils. Moi, je vais m'aventurer à dire que c'est sûrement deux fois la même boîte. Deux fois la même boîte. D'après moi. Je vous donne les deux boîtes. Si vous voulez en ouvrir chacune une, ou je sais pas trop quoi. En fait, je peux même aller... Je vais aller vous porter le micro magique, hein? OK, merci, Mathieu. Je m'attaque au gros, gros, gros, gigantesque rond de tape. Ouais, c'est... Hein? On n'a pas de couteau, malheureusement. Non, malheureusement. Pas besoin, je viens de l'enlever. Ah, Steph, elle l'a eu, elle. Mathieu, est-ce que le micro magique est ouvert? Bien sûr. Moi, j'ai des ongles, mais... Des gros ongles qui coupent. Ouais, ça coupe pas fort, par exemple. Comment t'as réussi à l'enlever? Ben, je l'ai décollé. T'as dit, ça a jamais été vraiment son talent. Non, moi, ouvrir des trucs, c'est pas tellement fort. On rappelle qu'on ouvre la boîte Tokyo Treat. Tu vois, c'est la différence entre des ongles puis pas d'ongles. C'est que j'arrive pas à faire ça tellement ils sont épais. Mm. Bon, donc c'est le moment où on va savoir si c'est la même chose. Ouvrez-la les deux en même temps. Hein. Et, oh. On le monte pas à Mathieu. Un, deux, trois. Oh, c'est la même chose! Ah, je le savais. Mais le fun là-dedans, c'est que j'ai payé juste une fois. Non, tu sais, faut voir les bonnes affaires à un moment donné. Hein. En effet. Oh, donc, on a un petit livret avec les peut-être une description des petits snacks. Est-ce que c'est en anglais, le petit livret? C'est en anglais, quand même. Ils se sont forcés, là, c'est pas... Il faut dire qu'on avait, on avait pris celle d'Halloween. C'est vrai, donc la boîte d'octobre d'Halloween, effectivement. Et d'après moi, on va peut-être recevoir celle de novembre si j'ai annulé trop en retard. On va voir. Ça, ça serait bien correct. Ouais. Hein? Ah, on a un petit do-it-yourself tutorial du Hana Kappa Bubbly Jelly. Ah, mais ça, c'est dans le paquet. C'est probablement quelque chose qu'on a, là. Sûrement qu'en lisant le livret au complet, vous allez vous spoiler toutes les affaires qu'il y a dans le paquet. Fait que ouvrez le paquet à la place, vous regardez le livre après. Hein? OK, bon. C'est bon. Donc, le premier item sur le dessus... Ben, c'est écrit en japonais. Ouais. Là, fait que... Ah, Horror Mask. Ah, un masque d'Halloween. Ça a été pertinent de l'avoir avant, Halloween. Ben oui, c'est le fun. Mais pourquoi mais c'est écrit meilleur avant septembre 2018? Il y a des billes dedans. C'est mangeable. Je sais pas, il y a quelque chose mais là-dedans. Ouvrons-le. Ben oui. D'accord. Est-ce qu'on ouvre les deux en même temps, Mathieu? Oui, oui. Tout dans le micro magique, puis Steph pas. Ou les deux dans le même, oui. Ça fait aucun son. Ça fait pas fait de bruit, fonfon. Donc, on a un masque. Ah, et l'élastique, il est même pas dedans. C'est tout un... Ah, non. T'as rien dans le fond, toi? Il y a des billes. Oui, oui. Mais ça se mange-tu? C'est quoi? Et il doit avoir un descriptif, peut-être que dans le livre, ça va être écrit, ouais. Qui va prendre les photos de ces affaires-là pour mettre ça sur la page Facebook? Ben là, nous autres, on ouvre la boîte. Oh, mais là, mon masque! OK, je vais aller prendre des photos. C'est bon, ça? C'est écrit... Ah, c'est des menthes. Ah? Get spooked with this tasty apple mint snack. Non, le sang colorant, oh mon Dieu. Les menthes de couleur sang viennent avec un effrayant fais-le-toi-même masque de papier que tu peux utiliser pour compléter ton costume d'Halloween. Il fait pas si peur, le masque, là, on s'entend, là. C'est genre des yeux. Ah, mais j'ai pas le même. J'ai pas le même masque. Non, on a pas le même. C'est bizarre, un peu, hein? OK, bon, ben... Bon, on a un deux élastiques pour probablement pour l'attacher après nos oreilles. Ça a l'air confortable. Ça a l'air, ça... En tout cas, maintenant, on a une photo de vous deux à mettre sur Facebook, la face cachée. C'est toujours le fun, très anonyme. On a un sac de... Oh, ça a l'air bon, des pommes séchées, je te garde. Oui, ça ressemble à ça. Satsuma Imoto Ringo. Ben oui. Ringo Mix. Ringo Mix. Ringo. C'est vraiment marqué ça en dessous, Ringo Mix. Ah, c'est écrit Sweet Potato and Apple Chips. Ah, on a dit tantôt que les Japonais aimaient ça, les affaires de patates douces en octobre. On l'a dit novembre. Ça dit que c'est santé. OK. Ouvre le don en même temps, voir. OK. Qui dit que les snacks d'automne ne pouvaient pas être à la fois savoureux et santé? Ah, ouais. Oh. On goûte à ça, on n'ouvrira pas les deux en même temps. Non, c'est ça. T'as raison, je pense qu'on pourrait laisser les trucs fermés dans la deuxième boîte. Ça va être plus frais longtemps. C'est pas l'idée. L'entendez-vous? L'entendez-vous, la bisbille? ça sent les chips, je trouve. OK, mais c'est parce qu'il y a des chips de patates douces et des chips de pommes. Moi, je dis qu'il faut en prendre un de chaque et croquer les deux en même temps. Moi, je dis que je vais vous laisser celle de pommes. Puis je vais essayer d'en prendre une de patates douce qui, j'imagine, est la plus pomme. La plus pomme, c'est les pommes, elle est plus ratatinée. OK. Fait que je vais prendre la patate douce qui est la plus foncée. Oh, mais vite, je veux goûter. Alors, Mathieu, avant que tu ne t'enfuis, je vais te laisser en prendre. Mathieu a pris les deux. On rappelle que moi, j'ai juste pris la patate douce parce que je suis allergique aux pommes. Ah oui, ben oui. Elles sont invincibles à la pomme, les autres chips, clairement. Les deux en même temps, on dit? Ouais. Ça goûte les pommes pas mal? C'est sucré à souhait. Mmh. C'est très sucré. Mais miam. Même la patate douce. Le croustillant est vraiment satisfaisant. La patate douce, ça goûte la banane, en fait. Ah, le plantain, c'était, non? Ouais. Mmh. Ah ouais? Un peu. Je suis d'accord. Mm-hmm. Ouais, c'est bon ça. Très bon. J'adore ça. Ouais. Je rappelle que les photos que je suis en train de prendre, parce qu'on n'a pas de, de David Ferron en permanence en ce moment, donc je prends les photos pour la page Facebook. On est en train de déballer la Tokyo Treat. Jusqu'à maintenant, on a eu du sucré. J'imagine qu'il n'y aura pas grand salé là-dedans. J'imagine que non, je pense pas. Sûrement pas, on va voir. Continuons. Le prochain, c'est du maïs. Hein? Ah ouais? Ok, je vais aller voir dans le livre parce que sinon c'est incompréhensible. En tout cas, le petit chef sur l'emballage, il y a deux blédins dans les mains. Si c'est pas du blédin, il y a un problème de marketing. Il y en a trois dedans, si j'ai bien lu. Je lis pas le japonais par contre. Non, on a dit que les seuls caractères qu'on comprenait sur leurs emballages, c'est les chiffres. Ouais. C'est marqué 3 quelque chose. Fait que c'est peut-être 3 calories ou 3 chips. Là. Mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est pas écrit dans le livre. Il détaille tout sauf ça. C'est bizarre. Je vais l'ouvrir. Ouais. On va sentir. Peut-être que ça sent le maïs. Mais d'après moi, c'est des dagashi mix. Il est supposé en avoir 5. Donc, c'est enjoyer la combinaison de 4 dagashi snacks aléatoires et un umaibo. Qui sont inclus dans votre box, dans votre boîte chaque mois. J'ai fait une traduction. T'es bonne, Steph. Oh, ça sent le maïs. Pourrez-vous tous les trouver? On en a 3. What dagashi snack did you get this month? Dont une détruite. OK, ah, oh, non. Ah, puis on a la même chose. Mais c'est quoi? C'est des... C'est des galettes de maïs. Ah! Ah, c'est pas pire, ça. Ça pourrait être salé, non? Ça ressemble vraiment à une chip. Je pense que ça va être salé, Steph, moi. Steph, je suis prête. Là, c'est sûr qu'avec le transport et tout ça, elles se sont un peu effritées. Ah, oh, ça sent tellement bon! Ça sent un petit peu le popcorn, ouais, quand même. Moi aussi, je trouve. Ça sent bon. Je trouve que ça sent les tortillas. Ah oui, un peu quand même. Ouais, Mathieu, avant que tu partes... Prends le paquet, il y en a 3. Ouais. Il le savait. Prends le paquet. Prends-y le paquet. Mathieu, il l'a déjà mangé! Oh, mon Dieu, mais Mathieu! Il est zéro galant! Hey, le prochain tour, je mange tout. Mathieu a oublié l'essence même de la chronique. Je vous avertis, c'est vraiment très bon. Ah! Vraiment blédaine crémeux, je trouve que ça goûte vraiment le crémeux blanc. Hey, le blédaine en crème. Hein. Ouais. Mais oui, c'est donc bien bizarre. C'est j'aime ça, il y en a vraiment pas assez là-dedans, pour vrai. Ça goûte le maïs en crème en boîte, mais croustillant. Trouvez-vous que ça finit comme une panure de rondelles d'oignon au goût? Exactement. Oh, c'est vraiment bon. Ah, mais c'est bizarre, il y a comme beaucoup trop de saveurs en même temps. Je suis comme pas capable de comprendre ce qui se passe dans mon cerveau. Mais non plus, puis c'est léger. Mm-hmm. C'est comme on dirait qu'on croque dans de l'air. Ben... On dirait les petites galettes de riz qu'on a des fois à l'épicerie. Oui. Mais avec la saveur. Un punch de saveur de maïs, ouais. Meilleur aussi. Ah, mais je serais incapable de manger un paquet au complet. Ah non? C'est trop bon. C'est bon, ça me tombe sur le cœur. Mais tu sais, je mangerais pas ça, moi, de la crème de maïs en canne à cuillère. Moi, oui. Ah, ouais, vraiment. C'est parmi les choses que j'aime le plus et j'en achète jamais. On oublie le maïs, de l'acheter. Là. À la fin, on va tout se redistribuer, puis je pense que je vais vous laisser les maïs. Ah, ensuite. Toujours dans la Tokyo Treat Box, une boîte mensuelle reçue par la poste qu'on a commandée ensemble. Je ne suis vraiment pas certaine de ce que c'est sur la boîte. Mais c'est un vampire. Il y a un vampire, ben, puis il y a la langue sortie. Une petite boîte, je te dirais vraiment minuscule. Peut-être qu'elle a l'air d'être une boîte de post-it ou de je sais gomme. Pas, c'est des bonbons. Hein. Ça a l'air d'être des bonbons durs. Ouais. Quand tu le mets sur ta langue, ça a l'air de faire un splash de sang. C'est ça, je voulais dire. Faut vraiment, il y a tout le temps un dessin représentatif de ce qui va se produire. Est-ce que tu veux que je l'ouvre? Ben, vas-y donc, Steph. Je vais ouvrir le mien. Le micro magique. Ah, mon Dieu, j'ai eu une grosse odeur fruitée. Oh, mon Dieu, je la sens. C'est bleu. Bleu, framboise bleue, je pense. Ça sent peut-être un peu la framboise bleue, effectivement. Mais quand même. Est-ce que ça va faire un gros splash rouge? Ça sent le citron. Tu trouves? Ouais. Mais on dirait que, tout seul, ça sent rien. Non, c'est vrai. Tout seul, ça sent rien, mais il y a comme un design bizarre dessus aussi, un peu, hein? Hein, mais c'est rouge en dedans. La mienne est un peu fendue. Ah ouais? Je pense que ça fait vraiment comme sur la langue du vampire, sur la boîte. Ça va faire un gros splash rouge. Je vais y aller. D'un coup, c'est long. OK. Parce que Mathieu, il reporte tout le temps sans prendre son produit. C'est merveilleux. C'est une gomme. C'est une gomme? C'est une gomme. Ah là, qu'est-ce qu'on va faire? OK, j'y vais, moi aussi, parce que Mathieu, il l'a fait tantôt. Ah, ça goûte... Ça goûte les bonbons au coke. Ah ouais? Elle est quand même très molle, la gomme. Elle est vraiment molle, là. Genre, elle pogne les dents. Tania t'a dit la bonne chose, les bonbons, jujube au coke. Ouais. À la liqueur brune, ça goûte vraiment ça. Mm. Non, je pense que c'est vrai. Ouais. Ouais. Les petites billes chez Borg Barn. Les petites billes argentées. Hein. Oui. Ça goûte pas mal ça. Ça goûte ça? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est mangeable, ça. Sauf que ça, c'est une espèce de gomme semi-liquide, là. Ouais. Ouais. De la misère à parler, ça fait de la bave de tous les bords. Je sais pas si on a quelque chose à la langue. Ben, t'as la langue rouge. Ah. Ouais, toi aussi, ben, t'as la langue okay. rose. Ouais. Comme un humain, là. Ouais, c'est ça. Bon, ben, je vais mettre ma gomme on the side. La gomme, ça a été fait à la fin, mais bon. Comment deviner, c'est écrit en japonais. Comment deviner? On va tout faire du diabète. Mais c'est le plaisir de la chose en même temps, faut découvrir. Le prochain est un petit emballage en aluminium. C'est écrit Monster Stamp. Oh. Ah, stamp comme une estampe. Ça a l'air d'être dans les dagashi mix, ouais. là, parce que c'est pas dans les... Je pense que tu peux les utiliser pour faire des estampes. Il y a comme un petit design, là. Ils ont l'air de stamper les bonbons sur une feuille. Ah, OK. Ah? Mais mangeable, on va voir. Ah, oh, c'était quel beau son. Ah, oui. Vraiment. Oh mon Dieu, comme quand on était jeunes. On dirait des sombreros. Ouais, en effet. Il est orange et en dessous, c'est bleu. Et c'est un dessin de citrouille. Est-ce que tu liches puis que tu pèses sur le papier? Arrête donc. On liche? Essaye-le, Steph. Est-ce que c'est écrit dans le guide, non? T'as-tu du papier? Ben, j'ai le petit livre, là. Moi, ah, mais j'ai ma chronique de tantôt. Non. Moi, j'ai un fantôme. Moi, c'est une Mathieu, citrouille. Hey, ça marche! Pour vrai? Hey, mais ben oui, ça marche bien. En fait. Wow! Mais tu sais... Mais c'était-tu bon quand tu as goûté? Quand tu l'as léché, ça goûtait quoi? Toi, il est bleu. Ben, ça goûte, honnêtement, ça goûte le sucre, là. Je vais me servir de la feuille de pied. Ça marche. Ben, ça goûte pas, genre, mettons, framboise bleue. Non, ça goûte le sucre. Moi, il est rouge. Ben oui, ça marche. C'est très cool, mais là, moi, je l'ai fait sur ma main, ça a pas trop marché. Moi, j'ai un petit fantôme avec un petit sourire. Moi aussi, j'ai un fantôme. Aïe, aïe. High five. Ah, ça fait des bonbons durs. Ah, ouais. Ah, là, faut enlever la gomme. Ah, on l'a enlevé, fait longtemps, nous autres. Eh, ben. On va à autre chose. On va se faire mal à la bouche avec ça. Hey, aime donc bien un bonbon dur. Ça goûte les colliers de bonbons. Ben, ouais, vraiment. Voilà. En fait, je pense que c'est pas mal le même bonbon. Principe. Là. Pas mal sûr. Pas mauvais. Ouais. Vous réussissez à faire comment eux? On va te faire la bout? Il en reste un, qui le veut. Moi, je passerai jamais à travers. Moi, je pense que je vais le déposer sur mon cup de café. Mm-hmm. Je suis en train de l'avoir. Ouais? Hey, tu te démolis des dents avec ça? J'aime de comprendre pourquoi les parents ils aimaient pas les clans d'ail dans le temps. Le prochain, Steph. Prochain, pendant que je prends une photo de ça. Ban, ban, ban, que c'est écrit. Oh boy. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, ça a l'air d'être une feuille de je sais pas quoi. On dirait juste un petit jujube, là. Tu penses que c'est du jujube? Ben, ah, c'est quand même raide, hein? Ouais. C'est brun. C'est pas beau. Tacheté. Non, c'est vraiment pas beau. On dirait une algue. Ah, mais ça se peut. C'est pas... Les Japonais aiment ça, les algues, non? Mais je sais pas, ça a l'air un peu trop gélatineux. Ça a l'air aussi d'une feuille de bacon, fait que ça dépend comment tu vois les choses. Je vais te laisser l'ouvrir, celui-là. OK. On dirait que j'ai peur de l'odeur à cause de la couleur. Pas parce que c'est brun que ça sent. OK. Ça sent c'est quoi? C'est un jujube, quelque chose? Oh, OK. Oh, mon Dieu! Ça lui a levé le cœur, je crois, Tania. Ah! Oh! Et Steph aime ça! Pas Steph! Non, mais ça sent. Bon, là, ça. Je viens de la Gaspésie, OK? Puis des machines distributrices, on avait souvent de la morue séchée salée, ça sent ça! OK, donc c'est de l'algue. Ça doit être pour non? ça que ça me l'a vécu. Ça vient de l'eau. C'est ça, ça doit. D'après moi, c'est une algue. Je vais essayer de prendre la moitié. J'ai l'impression que Tania, elle goûtera pas. Non, je goûterai pas, je vais laisser Mathieu. J'ai vraiment pas aimé l'odeur. Ben, à l'odeur, ça sent la morue séchée et salée. C'est ça. Ouais, effectivement, ça sent. Mais ça je sent sais drôle. Que Mathieu aime quand même le poisson. Est-ce que tu y goûtes? Oui, ouais, ouais, mais attends un peu. C'est. C'est vraiment pas une odeur agréable. Non. Ben, moi, j'aime ça. Ça sent environnement fruit de mer. Tu sens près de l'eau. Là, c'est fou, hein, comment tout peut changer selon l'expérience de la personne. Vous autres, le maïs, ça vous a super allumé. Ben, moi, c'est le poisson. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on se met sur la langue pour qu'il fonde ou quoi? Ben, d'après moi, faut que tu croques, c'est comme une gélatine. Ça croque-tu? C'est salé. C'est salé, mais c'est pas... Girl. Pas bon? Non. Mathieu se retire le bonbon de la bouche présentement. Ça, c'est un bonbon quand tu vas avoir une bonne haleine. Ah ouais? Ça fait ça un bonbon, toi? C'est comme une petite menthe à ma table. Ça goûte, tu sais, les fruits de mer. Moi, un gars avec une haleine de morue, là. Oh. T'aimes ça? Tu sais, les fruits de mer qui ont genre une petite peau à l'extérieur, gluante, là, puis que. Tu sais, les sardines. Genre. Ça me faisait partie. Non, pas les sardines. Plus les pétoncles. Des fois, ils peuvent avoir un petit contour là, un petit peu plus... Je sais pas si c'est les pétons, en tout cas, bref. Pas certaine, c'est parce pas... que là, les pétons... Moi, j'ai Steph, détesté ça. Ça va, finalement, t'as pogné à la fin. Ben, quand tu croques dedans, là... Ouais, vraiment, là. La Gaspésienne a un petit peu honte d'avoir dit qu'elle aimerait sûrement la Oh, oh. Finalement, Steph, puis la laine de morue... La poubelle est dans le coin. Ouais, vite, okay, d'autres choses. OK, prochaine affaire. J'ai de l'eau, Steph, si tu veux. J'ai pogné quelque chose qui se mange pas. OK, change de produit. Mais je pense que ça se mange pas, c'est écrit en japonais. Oh! Oh, ça a l'air bon, c'est quoi ça? Un petit morceau de brownie, c'est quoi? Ah, une galette de fruits. C'est juteux, hein, par exemple. C'est juteux? Toi, t'as pas du jus dedans? Moi, il y a des bulles. Hein? Ah, mais oui! Il y a du liquide, là. Mais qu'est-ce que c'est sûr? Je sais pas. C'est enveloppé dans du plastique, ça a l'air très, très serré dans son emballage. J'ai une description. C'est un bloc d'algues. C'est un Waraku no Sato Chestnut Yokan. Ben oui. Chestnut, c'est quoi? C'est... Voyons. Et marron? Oui, c'est ça. Non. Yokan, c'est un wagashi. Ben, fait avec... Shibugamo, fait avec des haricots... De la pâte d'haricots rouges, du sucre et de l'agar. Hein? Ce mois-ci... on vous a apporté une variété marron sucré à l'intérieur de. à savourer avec un thé vert pour un authentique automne pour une authentique expérience de snack d'automne japonais. Ah, cool. Bon. T'as un automne authentique de snack expérience du Japon. Prenez ces mots-là, faites-vous une phrase. Shuffle. Steph, tu veux-tu l'ouvrir? Hey, on est-tu capable de gérer autant de jus? Je sais pas, hein? Ah, franchement. Ben, Mathieu, ça a l'air de rien, mais il y a pas mal de jus, là. Pour vrai? OK, ben ouvre-le par le sommet. Est-ce qu'on aurait dû aller chercher les ciseaux? Ben, il a l'air d'avoir une flèche explique. Oh, ça se lève tout seul. Micro-magique-moi ça. Stéphane-là. Ah, voilà. C'est clairement de la gélatine. Ça a l'air vraiment gluant, hein? Oh, mon Dieu! C'est un bloc d'huile. Tu sais, ça a exactement la forme de l'emballage. Ouais. Ben, c'est ça, ça ressemble un petit peu à un brownie à emballer là, qu'on retrouve des fois en épicerie. On est-tu dédaigneux? On prend-tu comme une bouchée chaude? Ah, allons-y. On dirait un jello au coke. C'est vraiment. C'est du jello? Mais ça sent absolument rien. Ça sent rien? J'allais prendre une photo en même temps, désolé. C'est mauve un peu aussi, là, c'est barre. Je sais pas si c'est brun ou mauve. Mais clairement, le marron, c'est brun. Le marron, c'est marron. ouais, j'ai hâte de voir. Parce que déjà, tu l'as ouvert et il n'y a pas eu d'odeur. Ça a l'air... Oh, c'est très collant. C'est très collant. C'est l'air clean d'ail. Va-t'en pas, Mathieu. Steph va te donner ta partie. Je vais faire à peine. Il y a des trucs dedans. Là. Bon, séparez-vous ça. Mais ça doit être les haricots. Oh non, ça doit être les chestnuts. C'est comme des noix de macadam. C'est des chunks de chestnut. Ah, c'est vraiment gluant. Ça sent absolument rien. J'espère avoir raison, ça goûte comme le brownie. Tu sais, j'en ai pris un morceau. Eh mon Dieu, t'as été très aventurière. J'ai réussi à couper juste ça. Mais tu sais, c'est pas grave, c'est peut-être pas très bon. Donc, Écoute, mes mains sentent rien. Je viens d'essayer, voir. Ça sent rien, j'espère que ça goûte quand même un peu plus que ce que ça sent. On veut c'est savoir comme c'est le quoi nougat, tu sais, dans le fond, ça goûte rien. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai encore de l'algue pognée dedans. Faut manger quelque chose pour enlever l'algue. Tu veux-tu de l'eau, Stéphane? Ça va. Pour vrai, ça goûte plus, la morue est toute partie. Ah, OK, ça on goûte juste la... ce carré gélatineux très louche. Et donc, qui ne sent rien. Waraku. Ouais. Oh, ça mal. Goûte rien. Ben. Tu goûtes de quoi, toi? Pas énormément. Ben, ça goûte le sucre. Le sucre, ouais. C'est pas déplaisant. Mais ça a pas la texture du jello, par contre. Plus non. Proche, je dirais presque brownie. Ben... Ah, nye. Un petit gâteau. Prenez une deuxième croquée. Je trouve que ça goûte la mélasse. Un peu. On goûte vraiment les marrons. Moi, je goûte juste le sucre ajouté là-dedans. Oui, aussi, là, en poudre. C'est bon, mais pour vrai, c'est très, très sucré. Là. Je sais même pas si je suis capable de finir mon morceau. Mais il faut manger ça avec un thé vert, qui dit. Oui. Ouais, peut-être plus un café, là, dans notre cas. Tu sais, Steph, si tu veux le déposer, ton reste. Tu veux plus d'algues. Mais c'est ça. Veux-tu de la morue, j'en ai? Ça nous aurait pris là, des ziplocs pour tout ramener les restants de morceaux. Et que je suis pas prévoyant, ça se peut-tu. On rappelle qu'on est en train d'ouvrir la boîte Tokyo Treat du mois d'octobre 2017 qu'on a reçue. Il est supposé avoir 12 produits, donc on doit commencer à être rendu pas mal à moitié. J'ai un tube dans les mains. C'est encore marqué corn. Oh! Potage. Est-ce que ça va être la suite de tantôt, du maïs en crème? Peut-être. Mais en quoi c'est pas liquide, là? C'est sec? Non, c'est sec, c'est rond, cylindré. Mais j'ai l'impression qu'il faut mettre ça dans l'eau pour se faire un potage. Ah, wow! Ah, on va pas l'essayer, tu? Donc. Ouais, ça se peut, Steph. T'as... Parce que l'animal. Fait je cuire. Sais pas c'est quoi. Ouais, il y a une cuillère. Ouais. Un singe? Non. On dirait. Ben, je sais pas, plus comme un lapin pas d'oreille. Ah, t'as raison, ok. Mais c'est ça, il y a une cuillère puis un chaudron. Fait que d'après moi, il faut mettre ça dans l'eau. C'est marqué corn potage. Fait que d'après c'est moi, ça. Là, Steph a raison, c'est pour faire un potage. Fait que je dis, on va chacun le consommer à la maison et s'en reparler. Bonne idée. Donc, on prend la photo présentement. Ouais, c'est tout arrêté de parler. Pour ça, on prend les deux en même temps. C'est ça, pour excellent. Être sûr s'il n'y a pas une différence. Parfait. Et on a des petites billes aussi, là, les fameuses petites mantes qu'il y avait dans le masque qu'on n'a pas encore goûté, mais il y en a tellement dans les petits sachets. Hein. Je pense qu'on sait. Hein. Ça doit être des mantes. Ça doit goûter la menthe pas mal. Le prochain dans une boîte spéciale, non, c'est ça, Steph non? a pris autre chose. Ah, Steph, vas-y. Que oui, moi, j'ai pas l'air d'avoir. Oui, il est caché dans le coin. C'est écrit Zombie Maker Gum. Oh, wow. Donc, j'imagine que... Ça doit être le do-it-yourself. Ah, c'est sûrement ça. Ou le corn potage. Écoute. Ah, ben, il veut rien savoir. Rien. La fille qui est supposée avoir du talent en ouverture de ça. Ah, elle l'a. Ah, voilà. Ah, c'est quoi? Cool, c'est bizarre. C'est ce qu'on aime, c'est japonais. C'est supposé être bizarre. Mais tu sais, si au moins on avait des explications en français, en anglais, en espagnol à la limite. Ah ouais, hein? C'est marqué 1 plus 2 sur le paquet. OK. Fait que j'imagine que t'as un frame, deux frames. Mais c'est quoi qui est écrit dedans? Ben, je sais pas si c'est écrit en japonais. Non, mais Zombie Maker Gum. Ouais. Donc, c'est pour faire des gommes de zombies. T'es un petit peu. Là, OK, il faut vouloir faire un mélange pour faire sa propre gomme, c'est ça que tu me dis? Il y a comme rien qui vient avec. Mais là, j'ai comme un carton avec une face de zombie. Mm-hmm. OK. Mais il n'y a pas de yeux. C'est ça. Il n'y a pas de nez. Ah, gomme comme dans un autocollant, peut-être. Il n'y a pas de bouche, c'est exactement. Ça. Exactement. C'est ça, hein? Donc, tu le fais toi-même. Regarde, Steph, au dos. Un gommant, si on veut. Voilà, donc. Exact. Et on a des autocollants avec des parties de visage de zombie. Okay. On a des vers, des yeux sortis dans leurs orbites. Fait que c'est plus un jeu. Des cochonneries, ouais. Ça, mais il y a ça. Le petit bloc, de quelle texture c'est blanc dans un sac de plastique? Je suis pas sûre que ça soit mangeable, ça. Là. Mais ça a une espèce, comme une texture d'hostie mouillée. Ah, OK. Ah. Mais j'ose pas le briser, peut-être ouais. que... Est-ce que t'es supposé mettre le collant sur ça et après ça l'estamper encore ou quelque chose? Mais pourtant, le collant, il doit être déjà collant. Mais non, ils sont déjà collants. Okay. Tu sais, je suis sûre qu'au Japon, ils sont capables de faire des collants qui collent. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Il y a une raison derrière le bloc blanc, je sais pas quoi. C'est sûr. Ben, ça doit être pour accrocher ton produit final. Ah, c'est un collant pour l'accrocher à quelque part. C'est peut-être ça. Mais je sais pas, ça a l'air très ouvre-le donc, ouvre-le. Ça a-tu l'air comestible? Je sais pas, ça a l'air très cassant. Ça sent-tu de quoi? Ben, c'est de la gomme. Hein? Je comprends pas. Ça sent la gomme à mâcher. Ça sent la gomme balloon. Une gomme en plaquette de genre 3-4 cm. Ouais, mais ça sert à quoi? Ben, c'est peut-être avec ça que tu colles le reste? Ben non, c'est des collants. Ou tu mâches ta gomme en faisant ben, un collant. Pour t'amuser, c'est peut-être juste ça. Ouais. Mais elle est bonne, si vous voulez goûter. Tiens, Mathieu, j'étais... ben, c'est vraiment très cassant. Je suis en train de chercher dans le petit livret s'il y avait des détails de plus, mais non. Elle a comme un petit goût citronné. Ouais, c'est vrai. Agrumé. Ouais. C'est de la gomme. Ben, c'est de la gomme. Ça ressemble un petit peu à de la Juicy Fruit. Ou, hein. Ah, c'est Juicy Fruit, quoi. Ouais. T'aurais pas vu même, quoi. Il y a du sucre, hein, ce matin? Oui. Lala. Au Japon, hein, ils se gâtent, hein, avec le sucre. Ben, tu sais, peut-être qu'ils l'ouvrent pas le matin, eux. Mmh. Ouais, c'est la grande différence. On a la chance, nous. On ouvre la boîte Tokyo Treat d'octobre 2017. Il y a tellement de gomme présentement sur le cup de mon café, là. Mm. Oh, je sens que le prochain, ça va être très agréable. Oh. Choco Sand. Oh, miam. Ça semble être des biscuits remplis de chocolat. Il y a des noisettes aussi dessus. Est-ce qu'on a... Ah, j'ai une petite description dans le cahier. Oui. Donc, Harvest Mont Blanc Choco Sandwich. Donc, c'est le populaire biscuit de la franchise Harvest. qui nous offre leur tout nouveau Mont Blanc, saveur Mont Blanc. Donc, ce snack va combiner les chestnuts, les marrons crémeux japonais et le chocolat blanc pour créer un treat, là, une friandise, voilà. Donc, une friandise savoureuse et goûteuse d'automne. C'est ce qu'on veut, les affaires goûteuses, mais dans le bon sens. On ouvre ça, moi, parce que goûteux comme l'algue. Comment, tu sais? Je m'en serais peut-être pas assez. C'était goûteux, en effet. Micro-magique. Ah! Ça s'ouvre bien, ça, on aime ça. Est-ce que c'est des petites croustilles, des petits craquelins, c'est quoi? C'est des biscuits avec une crème à l'intérieur. Ah, ça, c'est le fun, c'est comme des Ritz sandwich. Oh my god, ça sent fort le sucre. Tu vois, je m'attendais à ce que la crème à l'intérieur soit comme brune chocolatée. Non, mais c'est comme un petit beige. Beige. J'arrive pas à mettre. Ça sent. Je suis pas capable de dire ce que ça sent exactement. Ça sent la crème au café, en fait. Ah ouais, mais ça sent extrêmement sucré, ça, on s'entend là-dessus. Oui, ça, c'est oui, fou, oui. Là. Tiens, Mathieu. Mais j'ai l'impression qu'il mange pas beaucoup de sucre, mais quand il en mange solide. Ouais, là, ouais, hein? C'est ça. Moi ou les Japonais? Qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Qui moi ou les Japonais qui mangent pas sucré souvent, mais quand ils en mangent? Ben, santé. Okay. J'en ai santé. Pris deux, moi, fait que. Ah, deux! Cochon. Ah, c'est dur! Mmh! Oh, j'aime ça, goûte! C'est très bon! Non, je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai goûté à date. Ouais. Non, vraiment. Mmh. Ça goûte, tu sais, mettons les petits sablés que ta grand-mère avait automatiquement au fait. Mélangé avec. La petite crème de marron. Ouais. C'est très, très bon. Excellent. De pas nous rester grand-chose. Moi, je trouve, on dirait, tu sais, les biscuits, là, tu sais, les boîtes en métal à l'épicerie qui sortent au temps des fêtes, là. Ça goûte ça, c'est ce genre-là. Tout à fait. Puis ça goûte un petit peu aussi les petits bâtonnets là, pour le. Comme on a dit tantôt, les pookies, là. Mais au ouais. chocolat, ça goûte un petit peu ça. Ouais! Oh, le prochain, c'est beau, c'est une belle petite forme, on dirait un cylindre, mais hexagonal ou quelque chose comme ça. Il semble y avoir du chocolat aussi à l'intérieur, Steph, je sais pas pour toi. Oui! Ah, c'est. Ah! On dirait des koalas. Hein? Farcis au chocolat. Oh, miam! Mm-hmm. Est-ce que ça va être du chocolat mou? Parce que là, ça va goûter la même chose que ce qu'on vient ça juste de manger. Ça a l'air d'être liquide. Okay. Sur l'emballage, c'est marqué Enjoy Halloween Kawaii. Kawaii! Hey, mais il y a une espèce de fais-le toi-même. Okay. Ouais. On dirait qu'on peut prendre des morceaux de la boîte à l'intérieur. Il y a des morceaux et on peut se faire une boucle pour le cou ou les cheveux. Il faut tout le temps que ce soit encore plus amusant que ça devrait l'être. Hein? C'est tout le temps. Il va avec le côté de la boîte. En fait, une fois terminé, on peut découper. C'est comme le dessus d'une citrouille. Ouais, donc c'est dit dans le guide que c'est. Ah, t'es rendu là. Oui, je viens de voir. Non, vas-y. Okay. Moi, je vais l'ouvrir pendant ce temps-là. Donc, je disais que Koala's March Halloween Version, une des collations les plus célèbres au Japon. C'est dans un emballage d'Halloween spécial, un design qui va vous faire tomber en amour avec les collations aux biscuits chocolatés. Encore et encore. Mais écoute, moi, tu m'allumes, tu sais, chocolat. Ouais, c'est ça. Attention pour pas briser la petite boucle d'Halloween. Je vois ça. Le bricolage, là. Non, mais il y a comme autre chose aussi quand tu l'ouvres. Mais c'est ça, c'est pour faire la boucle, c'est ça? Peut-être. Oui, t'enlèves les deux morceaux à l'intérieur de chaque côté de la boîte et tu peux te faire comme un nœud papillon. C'est parce que c'est très bien que tu peux sortir le petit sachet. Ah, voilà. Bon, on a tout détruit. Ça va bien, mon affaire? Et il y a des koalas, bien évidemment, sur le petit sac. Donc, on se doute qu'est-ce qu'on va manger, si des koalas ou ce chocolat. Brasse ça là, pour que vous entendiez bien les koalas. On veut voir! Il n'y a pas grand-chose à voir. Je sais pas si tu vas réussir à voir Mathieu à l'intérieur pour qu'il puisse prendre une photo. Il y a plein de petits dessins de koalas sur l'emballage. C'est mignon, hein? C'est comme carotté, jaune et argenté. Ah, ça sent... Ça sent le Nutella. Ah, on aime ça. Mais ça va rappeler pas mal ce qu'on vient de goûter. Là. On dirait des petits oreillers avec des dessins de koala dessus. Oui, des pillows. Et on voit clairement en arrière par où ils ont stuffé le Nutella. Un petit trou. C'est pas... Faut le remplir dans ce temps-là. C'est pas subtil. Eux autres cachent pas le secret de la caramel. Ouais. Donc, mangeons des koalas, les amis. C'est santé. Drôle parce que les biscuits, ils ont pas l'air tout cuits. Ben, ils ont l'air assez... OK. Non. Non. Moi, je croque dedans. Ça goûte ce que ça devrait. Ah, ça goûte très bon, hein? Ouais, très bon. Le chocolat est pas aussi liquide qu'il n'en a l'air sur l'emballage. Mais c'est très bon, c'est une petite pâte chocolatée. Le petit biscuit est comme sablé à l'extérieur. Il y a un petit, le beau petit dessin de panda vraiment rend ça charmant là. C'est un koala. Ça j'ai dit. Une boîte. Ouais, une boîte. Moi j'ai des gros yeux, mais je vois que toi t'as pas la même chose de l'autre côté. Non, j'ai une. On dirait un cornichon, mais. C'est un chien. Une bouche chien. De chien. Une bouche de chien. Ouais, c'est très très très coloré. Mais l'autre côté, tom, on apprend que c'est des pailles chocolatées. Fait que bref, tu peux pas aspirer de jus sauf. C'est ça. Le chocolat qui est à l'intérieur. Ça a l'air d'être des pretzels, en fait, chocolatés. Je sais pas. Ça dit que ce snack savoureux, hein, c'est tasty. Hein, tout est tasty. Ouais, clairement. Donc, ce tasty snack est fait de biscuits, de bâtons de biscuits cuits remplis de crème chocolatée. Donc, chaque boîte vient avec deux sacs de goodness chocolate. Wow. Donc, il y a deux sachets à l'intérieur, c'est bien. Je suis en train de réaliser qu'on va manquer de temps très bientôt, donc on va accélérer un petit peu la cadence. On ouvre ça. Oh! Plusieurs sacs. Oh! Ça ressemble à quoi? C'est foncé. On dirait des longs bretzels. Ouais. Ça ressemble énormément, comme on dit depuis tantôt, à des célèbres pokies. On continue dans la même veine. Ah, mon Dieu, l'odeur me rappelle quelque chose de... Quand j'étais jeune, j'arrive pas à... Je suis désolée, mais tu sais, j'en ai échappé une. Ça sent un petit peu les pirouliennes, ça se peut-tu? Ouais, oui, c'est pirouliennes un peu, mais ça a l'air, comme tu dis, plus bretzelé à l'extérieur, sûrement du plus moins, salé. Moins plus cuit. On y va? J'ai... Go! Ah! Ah, Oh, mais c'est intense, hein? Hey, c'est vraiment rempli de chocolat, là. Ouais, vraiment. Ça, c'est solidement bon. J'aurais pensé salé, c'est pas salé du tout. Non, c'est croustillant et chocolaté. Mais pas tant croustillant. Ben oui. Je pensais que ça allait s'y friter, moi. Non, ça fait pas si croustillant, ça fait plus comme chou. Ouais. OK, on se dépêche pour le dernier, hein. Oui. On dépasse déjà. Mais en tout cas, moi, ça vient vraiment de prendre la place numéro 1. Et Mathieu, le dernier, c'est une saveur dont on a parlé tout à l'heure. Aux avocats. Et au fromage. De Paris Pipo. Paris Pipo, ben oui. Donc, pendant que Steph nous fait la description de ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte, je vais l'ouvrir. Absolument. Paris Pipo Avocado Cheese Potato Snack. Donc, c'est un snack crunchy à la patate qui combine les deux choses favorites de tous, l'avocat et le fromage. Moi, matin, je jerque, je suis pas sûre, la bonne vraiment. C'est ça, le plus, c'est qu'on a vraiment parlé de ça tantôt, c'est incroyable. Donc, chaque côté du snack triangulaire a les deux saveurs. Mon Dieu, c'est comme pas clair. Donc, soit l'avocat, soit le fromage. Oh! C'est comme pouffy. Ah? Ils sont comme soufflés. J'en ai une dans mes mains. J'ai prêté le sac à Steph. Ah, oh, c'est tout petit! Oh, que ça sent! Ça sent donc bien bon! Ça sent épicé! C'est moi ou ça sent... Oui, ça sent un peu épicé. Bon. Ça sent le jalapeno. On y va? Je me mets tout ça dans la bouche, mais j'en prends 6. Okay. 6? C'est bon. Oh, que c'est bon! Ouais. Ça explose dans la bouche, ça. Ça se défait en miettes. Moi, je trouve ça merveilleux que ce soit gonflé. Ouais. Ça fait encore plus de crunch et d'explosion. Écoute, c'est pas ma saveur favorite, mais c'est bon. Ah, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Vraiment. J'en mangerai 45 000. Fromage et avocat, c'était magnifique. La Tokyo Treat d'octobre 2017 qu'on s'est commandé sur Internet. C'est ce qu'on a goûté aujourd'hui dans une grosse pointe tendresse. Non seulement Alfalfa le lutin va être là, mais il nous a amené un invité surprise. Ah ouais? Ouais, je te jure. Avant ça, petite intro. Alfalfa le lutin. Wow! Merveilleux. Ça va être un hit plus tard. C'est Alfalfa, salut! Ça va bien? Ah oui! Très bien. Merci d'encore une fois remplacer Xavier qui est encore pris dans le trafic. Là, ça quel a pas de sens. Dommage, hein? Il y a de la misère avec son véhicule. Faudrait qu'il le fasse réparer ou qu'il prenne un permis d'hélicoptère pour hélicopter sur l'hélicoptère de l'université. Hélicoptère, t'es aussi bon chanteur que créateur de vocabulaire. Hein? Exactement. Tu nous as amené un invité spécial. Ben oui, c'est ça parce que j'ai réalisé que j'ai parlé de plein de jeux, mais jamais de jeux vidéo. C'est vrai, tu parles de jeux de société absolument. Et là, on parlait, c'est ça, autour d'une fondue au fromage. C'est oh, raclette? Fondue suisse. Okay. Le meilleur, là, c'est la petite croûte dans le fond. Oui. Et c'est ça. Et là, Cosmo m'a dit... Hey, moi, j'aimerais... Cosmo? Oui, c'est son nom. OK.

OK. Les pires passions qui ont été. Il y a une émission qui a été mise faite là-dessus. Une fille qui mangeait des SOS, entre autres. Ah oui, non, ça, c'est, j'aime ça. C'est mon étrange dépendance. Mon étrange dépendance. Donc, les 10 dépendances, les répertoriés les plus spéciales à travers le monde. Vas-tu un peu ce style-là? Oui, ça va être malade. Malade, ben raide. Cool. Donc, c'est VHS les mercredis à partir de 13h sur nos ondes. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Ricky, édition week-end. Avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Sébastien Vigartin est déjà là. Pourquoi en fait est-ce qu'il est là? Ben, c'est pour sa chronique à chaque semaine. Donc voici son bulletin Vigartin. Sébastien Vigartin, bonjour à toi. Bonsoir. Officiellement. Mmh. Je te vois avec ton téléphone devant toi, ce qui me laisse penser que ça va être une chronique avec casque. Oui, c'est une chronique avec casque. Donc bien chronique... préparé dans les faits. Ouais, un petit peu préparé. OK. Un petit peu préparé. C'est une chronique un peu éditoriale. Mmh. Un petit peu éducative. Ah, mon oh, d'accord. Que je vais peut-être froisser du monde comme tout le temps. Oh, oh. Mais bon, c'est en fait, mon but, c'est de défroisser des gens. OK. Je vais venir au vif du sujet. À la vapeur de la chose. Comme en guise de sujet amené, je dirais, ouais. Peut-être, avez-vous remarqué, je vais arrêter de parler comme ça me tombe ses dents. C'est bizarre, hein, ouais. Ouais, c'est. J'étais comme trop. Professeur. C'était quasiment dramatique. Ouais, c'est peut-être, avez-vous remarqué depuis quelques semaines. Le patente qui revient à peu près à tous, ben pas à peu près, à tous les ans, dans cet ainsi de l'année, les politiciens et les personnes âgées portent un petit truc rouge à leur boutonnière. Oui, c'est comme si c'était la règle. Tu regardes la télé. J'avais pas trouvé nulle part. Non. À la télé, ils l'ont tous exactement au même endroit. Je pense qu'ils ont comme un fournisseur officiel et un installateur sur l'habit. Ou peut-être quand ils mettent leurs vêtements le matin, c'est déjà mis dessus. Mais bien souvent, là, tu vas facilement en trouver, là, par exemple, au Canadian Tire ou à la station d'essence. Je te jure, cette année, c'est la première fois que j'en trouve pas. Peut-être est-ce, parce que cette année, ça a fait de polémique. Ah, comment ça, donc? Québec solidaire. Oh. Mmh. J'y viens. Avant toute chose... j'y viens. Avant toute chose, de prime abord, en guise d'introduction. Oui, oui. Que... Je m'excuse, je suis en train de c'est mon mémoire, je suis en train de faire des bouts de même. Là, faut que tu commences les paroles. À prime abord et tout ça. Oui, c'est ça, là, de mettre les marqueurs de relation. J'ai la tête des marqueurs de relation dans cette émission. Un vrai charpie. Bon, pourquoi c'est quoi ces bébelles rouges là? Ce n'est pas en commémoration des gens qui se sont fait tabasser lors du printemps étudiant en 2012. Okay. Non, c'est ça. Ce ne sont pas des carrés rouges. Ce sont des coquelicots rouges. C'est pas du gui non plus. Hein? Tu leur embrasses pas le. Non. Fais attention. En fait, c'est qu'il faudrait que tu déposes une personne au-dessus de toi pour pouvoir frencher quelqu'un. Faut absolument que la personne soit plus petite que toi pour être en dessous de ton. Non, faut que tu sois au-dessus. Faut que le coquelicot soit. Ouais. Si c'était du gui, faudrait que tu sois au-dessus. C'est ça. Bref. Mais là, ça fonctionne pas. Oubliez ça, ça n'a pas rapport à René Wick. Mathieu Plante nous entraîne dans le vice. C'est toi qui as commencé, je te dirais. Non. C'est pas les colliers rouges. Ben, non, c'était une préconception. C'était pas un gag. C'était pas un gag, j'étais très sérieux. Okay. Dramatique? Ouais, voilà. Okay. Dramatique. Il l'a dit tout à l'heure, dramatique. Focus. Je me le dis pour moi aussi. On dirait que je me sens dissipé ce Let's matin. Let's go, boys! Je closais le magasin hier à ma job étudiante, fait que c'est ça. Bon. Je suis un petit peu pas dedans présentement. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil. Donc, excusez le. Chacun sa raison pour pas avoir beaucoup d'heures de sommeil. C'est ça. C'est. Il n'y a pas de jeu vidéo là-dedans non plus. Pourquoi les politiciens et les gens qui lisent le téléjournal portent le patent rouge? Le téléjournal. Bon, qu'est-ce que c'est, premièrement? Le jour du souvenir. Ah oui, le jour du souvenir. Le mois du souvenir. Je pensais que vous êtes dans un quiz. Merci, Tania. Fait plaisir. C'est... Je suis, moi. Deux morceaux de robot. Je suis plus que le gars qui... Quel gars qu'il faut suivre. Ouais. C'est quand même pas pire. Tu dépasses le maître. Une bonne étudiante. Ah, merci. Donc, 5 pieds 3, tu dépasses le maître. J'aimerais qu'on le dise à tous mes profs, s'il vous plaît. Mm-hmm. Donc, 5 pieds 3, t'es pas loin de me dépasser. Je sais plus, c'est des talons hauts, tu me dépasses. Oui. Donc, le 11 novembre, le jour du souvenir. Qu'est-ce mm-hmm. que le jour du souvenir? C'est, en fait, ça commémore la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Dans le fond, c'est le 11 novembre 1918. Mm-hmm. Ça, donc, l'année prochaine, ça va être le centenaire. Ah. Mm-hmm. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, l'entente de tout le monde est ami. C'est ou ça, la fin? Ouais, l'entente de... Ouais, tout l'entente, le monde est ami. On est tanné de se taper dessus. C'est plus ça, okay. Ouais. On est tanné de se ruiner à se tirer dessus. C'est ça. Okay. C'est plus ça. Bref, ben c'est dans l'histoire récente, une des guerres les plus destructrices, mm-hmm, que l'Occident, mm-hmm, s'est faite entre eux autres. Fait que, tu sais, on s'entend quand on dit Première Guerre mondiale, c'est l'Occident qui se fait ça, ça ailleurs. Mm-hmm. Il y a eu des campagnes un peu partout, mais c'était dans le temps. Il y avait encore des relents de colonialistes, donc ce qui était en dehors de l'Europe, ben, ça a été beaucoup sur les anciens territoires coloniaux ou des choses comme ça. Fait que, ben, bref, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est que, ben, en commémoration à ça, le coquelicot rouge, dans le fond, est apparu en 1918. Mm-hmm. Ça vient de où le symbole du coquelicot rouge qu'on porte à la boutonnière? C'est que... Non, c'est pas au débarquement de quelque chose, il y en avait plein partout. C'est que... Ben, moins oui, deux morceaux de robot. Oui, ouais. Et non. C'est que ce que j'ai pu trouver, il y a étonnamment peu d'informations sur Internet sur le sujet. Ce que j'ai pu trouver, en fait, comme information, c'est qu'apparemment que il n'en poussait pas dans certains territoires qui ont été, en fait, en Flandre, dans une, mm-hmm, partie de la Belgique. Où il y a eu beaucoup, dans le fond, qui s'est reconnu que ça a été une des parties de l'Europe qui a été le plus ravagée, mm-hmm, par la guerre. Il n'en poussait pas à l'époque, mais les bombardements ont fait que le sol s'est mélangé un peu. Et ça l'a mis. Et ça a fait relever le sous-sol crayeux qui était plus propice à ce que les coquelicots poussent. Mm-hmm. Donc, pendant certaines périodes, pendant un certain temps, mettons quelques mois après après les grosses batailles, il y avait beaucoup de coquelicots qui soudainement poussaient à place où il y avait eu des batailles là, particulièrement sanglantes. C'est une belle histoire quand même. C'est, mm-hmm, le coquelicot, ouais, il est rouge, justement, ouais, rouge ça, vif, donc ça rappelle un peu le sang de ceux qui ont souffert et tout. Il y a un ancien militaire britannique qui a écrit un poème par rapport à ça. Et c'est devenu un peu le symbole de ceux qui ont donné leur vie, mm-hmm, pour protéger leurs concitoyens. Donc, un symbole des militaires tombés au combat et des militaires blessés au combat. Le symbole des vétérans aussi par le fait même. Ceux qui ont survécu quand même. Donc, c'est porté une fois par année. On le porte à environ un peu plus qu'un mois. Ben, d'habitude, les gens commencent à le porter à fin septembre. Ouais. Donc, ils commencent à faire frette. Et si l'année prochaine, c'est le centième, on va le porter à l'année. Ouais, ben, je sais pas qu'est-ce qui est... c'est surtout les pays d'Europe qui portent ça, particulièrement l'Angleterre, c'est parce que c'est un militaire anglais qui a trouvé, mm-hmm, le symbole. Mm-hmm. Mais c'est porté généralement un peu partout en Europe et dans les pays du Commonwealth. C'est-à-dire le pays du Commonwealth, ben, les anciens territoires britanniques, dont dans le fond le Canada, on fait partie du Commonwealth. Mm-hmm. Fait que nous autres, on le porte. L'Australie, différents pays en Afrique, ainsi de suite. L'Inde, en principe, devrait le porter, sauf qu'ils font partie du Commonwealth. Donc, c'est ça. Fait que c'est un symbole, comme je dis, de soutien aux vétérans, soutien, mm-hmm, à ceux qui sont tombés au combat, ainsi de suite. Pourquoi je veux parler de ça, c'est qu'en fait, il y a depuis quelques années au Québec, on, mm-hmm, voit un autre truc qui est le coquelicot blanc. Blanc. Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai été surpris en faisant ma recherche pour ma chronique parce que moi, dans ma tête, c'était une affaire assez, une bébelle assez récente. Comme au Québec, ça a commencé, il y a le collectif contre la guerre, là, je ne me rappelle pas le sigle exact, là, j'ai pas pris la peine de le noter, mais qui fait une campagne pour le coquelicot blanc depuis 2011. En fait, c'est... J'imagine que c'est pas contre les militaires. Non, c'est ça. Par contre, puis j'allais y venir, c'est un peu ce qu'on y fait dire parfois. Le coquelicot blanc, en fait, comme je disais, j'ai été surpris, c'est apparu en 1933, donc ça fait assez longtemps. Ah. C'était un groupe de femmes qui étaient des vétérantes et des sœurs et des mères de soldats qui voulaient rappeler que c'est pas seulement les soldats eux-mêmes qui sont victimes de la guerre. C'est leur entourage. Ça s'est élargi pour dire que, oui, bon, premièrement, les veuves et ainsi de suite, mais aussi, en fait, il y a des victimes civiles. Mm-hmm. Il y a souvent, même dans les guerres comme la Première Guerre mondiale et la Deuxième, il y a eu plus de civils victimes que de, que de soldats. Les dommages collatéraux, là, les gens dommages collatéraux, c'est ça. Mais qui n'étaient pas dans la guerre là-bas. Puis, il y a des gens aussi qui ne sont pas morts, mais qui ont été déplacés par ces guerres-là. Ouais. On pense seulement au nombre de Juifs qui ont fui l'Europe pour venir s'établir en Amérique. Mmh. C'est des gens qui ont été déplacés. Puis la même chose dans toutes les guerres depuis. Il y a des populations civiles de déplacés, des réfugiés, ainsi de suite. Le coquelicot blanc, malgré ce qu'on lui fait dire, parce que c'est là que ça fait polémique, il y en a beaucoup qui vont présenter ça comme un signe de non-patriotisme, en fait. Ouais. Si t'es pas avec nous autres, t'es contre nous autres. C'est ça. Mais il y en a qui portent les deux, là. Ouais, ouais, un coquelicot rose, mettons, comme entre les deux, je vais pas. Non, il y en a qui les portent un par-dessus l'autre. Par-dessus, ouais, c'est ça, lequel tu mets en haut? Ben, c'est que ce qui arrive, c'est que les députés solidaires, puis en fait, Gabriel Nadeau-Dubois et Amir Kadir, pour être précis, parce que Manon Massé, apparemment, qui apporte seulement le blanc. OK. Ah. Amir Kadir et Gabriel Nadeau-Dubois, cette année, portent les deux. Mm-hmm. Ils portent... Dans le fond, ils ont le rouge de piné puis ils ont le blanc de piné par-dessus. Comme ça, tu te fais pas d'ennemis pente. Ouais, en fait, c'est qu'il y en a qui ont dit que ça, c'était, ils ont trouvé ça plus insultant que de porter seulement le blanc. Mais c'est jamais parce content. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est que là, le blanc, le symbole du blanc est plus important que le symbole du rouge. Donc, c'est comme une espèce de... c'est comme manquer de respect aux vétérans. C'est-tu parce qu'il y en a un qui est en haut de l'autre, c'est pour ça? Mm-hmm. C'est ça. Il n'y a pas de solution à ça. Parce que tu peux pas les mettre vraiment... Tu peux pas les superposer exactement. Tu peux avoir un coquelicot séparé en deux. Fait que ça a l'air de... Je l'ai comme... Tiens, je le... Je pense que j'ai la solution. Coquelicot, ouais. Séparé en point de pizza. Ouais. Rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Comme au casino. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Mais là, c'est un symbole du jeu en même temps. Ah, c'est du gambling. Excuse-moi, t'as raison. Non, mais moitié-moitié, comme le yin, le yang. Mais le gauche est plus important que le droit. Tu sais pas? Ça s'arrêtera jamais. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, pourquoi est-ce que ça écœure du monde? Mm-hmm. Pourquoi? Bon, c'est que, bon, traditionnellement, c'est que le coquelicot blanc, son symbole, puis tu sais, en même temps, il y en a qui vont le comprendre tout croche et mal le prendre, ce qui est un peu ce qui arrive. Mais en même temps, puis il y a j'ai deux points, mettons, qui différencient un peu. Premièrement, c'est que si on le définit, comme je disais, le coquelicot rouge, ça symbolise le support aux vétérans, puis le support aux... à ceux qui sont tombés au combat. Le coquelicot blanc donne son support aux victimes des guerres. Oui. Mm-hmm. Ce qui inclut les troupes. C'est exact. Décédés au combat, les vétérans qui ont perdu des jambes, des bras, qui ont perdu... Ainsi de suite, qui ont des syndromes de stress post-traumatique. C'est comme un coquelicot rouge, mais bonus, bonifié. C'est ça. C'est un super cop. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est que... Puis où est-ce que ça va accrocher avec certaines personnes? C'est que... Il critique un peu aussi le fait que le coquelicot rouge sert un peu d'apologie au militarisme. Mmh. Ouais. Deux grands mots. Apologie, qu'est-ce qu'apologie? Défendre le militarisme. Ils n'ont pas s'excuser. C'est ça. Donc, de dire... c'est ça, c'est un false c'est friend. Apologize. C'est un faux ami. C'est pas apologize. Une apologie en français, c'est défendre une idée. Okay. C'est mmh. dire, cette idée-là semble mauvaise, mais elle ne l'est pas, voici pourquoi. C'est qu'en fait... On défend... Le coquelicot rouge, il a toujours eu une espèce de petit côté... ouais, tu sais... Oui, OK, on peut reconnaître que nos soldats, puis personnellement, étant moi-même un... Je me définis comme un pacifiste. Okay. Mm-hmm. Je peux quand même reconnaître que les gens qui... J'ai de l'admiration pour les gens qui vont dans l'armée, même si je suis pas d'accord avec 99,9% des campagnes que le Canada fait présentement. Mm-hmm. Campagne militaire, je veux dire, là, les opérations militaires qu'on fait. Je veux dire, puis là, un petit parallèle, le Canada, on a longtemps eu une armée de maintien de la paix. Présentement, on a une armée, depuis les années Harper, beaucoup plus offensive qu'elle l'a déjà été par le passé. Il faut se rappeler que les casques bleus, c'est une invention d'un premier ministre canadien, Lester B. Pearson. Qui a eu un prix Nobel de la paix pour ça, soit dit en passant, avant de devenir premier ministre du Canada. L'armée canadienne a été longtemps une armée majoritairement de casques bleus. Mm-hmm. Ce qui a changé dans la dernière décennie, ce qui est malheureux à mon sens. Mais ça reste que au Canada, notre armée, c'est une armée de maintien de la paix, de reconstruction, de formation aussi des populations des populations locales. Beaucoup des missions qu'on... Puis tu sais, je critique certaines choses, mais ça reste que beaucoup des missions qu'on a présentement au Canada, c'est de former les groupes armés locaux pour leur apprendre à devenir des armées qui défendent leurs civils, puis ainsi de suite. Okay. Donc, on a quand même pas une armée dégueulasse. Puis là, c'est ça, je considérer que j'ai une position nuancée. Il y a bien du monde qui vont dire « Ouais, c'est le gars de gauche, il aime pas, on sait bien, il est craqué contre l'armée. » Non. Je pense qu'une armée, ça peut avoir une fonction. Non, non, à date, non, c'est ça. Pas mal nuancé, nos chroniques. C'est ça, ouais. C'est vivre les universités. Exactement. Mais il y en a du monde pas... dans tous les domaines, il y a du monde pas contrasté, puis il y en a des contrastés. Bref, puis moi aussi, il y a le langage de plusieurs personnes que je connais qui sont des généralement dans les mêmes... courants d'opinion que moi, souvent vont avoir des opinions qui me tombent ses nerfs sur ces sujets-là parce que, tu sais, tu peux te dire pacifiste, mais il y a quand même une réalité que surtout par le passé, tu peux trouver l'armée a une job à remplir. Oui, c'est ça. Même une job pacifiste de ne pas tirer sur du monde. On pourrait pas l'armée ne pas avoir d'armée, c'est ça. C'est ça, ça sert à quelque chose. On pourrait l'appeler différemment, on pourrait, bon, mais à base, la job que nos militaires font, c'est une job utile. Même si t'es pacifiste, t'es obligé de le reconnaître qu'ils font pas rien que tuer du monde. La plupart des militaires canadiens, anyway, n'auront jamais tué personne de leur carrière. C'est une affaire qu'on oublie. Bon, on leur souhaite. C'est ça. Puis c'est pas facile de tirer sur quelqu'un. Là. Non, c'est ça ne pas. C'est, on peut bien... oui, il y en a des psychopathes, mais la majorité, c'est pas ça. Bref... Non, il est tellement décontrasté là, que genre on, à place de faire des vendredis des contracts, on pourrait faire des vendredis des contrastes avec lui. Ouais. Imagine mon plante. Ouais. Pour détendre l'atmosphère. Donc, ça pour revenir à une autre grosse nuance du coquelicot blanc, qui, comme je disais, ben, c'est toutes les victimes et non seulement les militaires. Ce qui devient un peu un angle mort avec le coquelicot rouge. L'autre chose aussi, c'est que ça critique le va-t'en-guérisme qui vient avec le coquelicot rouge. C'est que faut dire que par le passé, tous les mois de novembre et mois d'octobre ont été des mois avec. Le mois de novembre, c'est le mois du souvenir, mais c'est aussi le mois de la récupération politique. Des intérêts partisans de certains. Donc, c'est souvent le moment où ce que le gouvernement au pouvoir va dire « Oui, nous, on est on se souvient, on est fiers de notre armée, on est fiers de nos militaires, fait qu'on va aller s'embarquer dans telle campagne militaire qui n'a pas tant rapport et que... » Puis de « Oui, nous autres, on est le parti des vétérans et de nos soldats. » Et tu sais, c'est là où on va se servir du patriotisme autour de ça pour justifier des guerres qui sont pas toujours ben justifiables et ainsi de suite. Donc, le coquelicot blanc vise à rappeler que à critiquer ça un peu aussi. Puis c'est là que ça accroche, parce que là, il y en a qui vont dire « Ouais, c'est de l'antipatriotisme, en fait. C'est des traîtres à la nation qui vont porter le coquelicot blanc, et ainsi de suite. » C'est facile, ça, comme argument. Oui. Hein? Et le fait que les députés Kadir et Nadeau-Dubois ont fait eux autres mêmes, ben il y en a qui vont dire « Ben, c'est encore pire! » Vous voyez, ils l'écrasent en plus, puis tout, alors que leur but, en fait, c'était justement un petit peu plus de dire « Ben, écoutez, de les relier, ça fait chialer le monde quand on porte le coquelicot blanc, fait qu'on rappelle que le coquelicot blanc puis le rouge, ben c'est complémentaire en quelque part. » C'est un peu ça qu'ils voulaient dire. C'est de rappeler que oui, quand que je porte le coquelicot blanc, ben le but fondamental de le coquelicot rouge symbolise quoi? C'est inclus dans le coquelicot blanc. C'est, tu sais, on reconnaît que les vétérans, ça reste des victimes des guerres, on s'entend. Mais tu sais, on pourrait-tu juste, vu que c'est la tradition, garder le coquelicot rouge, mais lui donner la définition d'aussi. Mais ça, c'est ce que le blanc en donne. Fait, c'est ça l'affaire. C'est que t'as toutes les va-t-en-guerre et les... j'avais fait une chronique à... Non, c'est pas vrai, c'était à la sortie de secours, j'avais fait ça. Parler des... j'avais fait un petit lexique, les Warhawks puis les Chickenhawks. Qu'est-ce que c'est? C'est plus un terme utilisé aux États-Unis. C'est qu'en gros c'est un terme assez qui date pas mal en fait, les Warhawks, c'était dans le temps de la guerre du Vietnam en fait, qui ont commencé à faire ça. C'était que les Warhawks, les faucons guerriers, on pourrait dire, c'était des anciens militaires qui étaient tout en faveur de la conscription puis envoyés par là pour la guerre du Vietnam, mais qui eux autres étaient trop âgés pour faire la conscription. Donc, c'était bien facile de dire « Ouais, il faut qu'on aille en guerre, mais moi, je sais que j'aurais pas à y aller. » Ouais, t'sais. C'est facile. C'était souvent des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale dans ce temps-là, dans le temps de la guerre du Vietnam. Ah, okay, ben c'est, ouais. Donc, mais tu sais, c'est que c'était quand même rendu là, c'était facile de dire que « Oui, c'est justifié d'aller en guerre, là, regarde, oui, allez-y, faire votre guerre à vous autres, puis tout. » Mais que, ben, toi, t'auras pas à le faire. Fait que, tu sais, c'était un peu de dire « Oui, mais, tu sais, les jeunes disaient « Oui, mais c'est parce que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas la même affaire. » les conditions de la guerre du Vietnam, si vous avez un peu écouté des films de guerre, qui se passent dans ces années-là. Pas chouette, chouette. Tu sais, c'était pas la même affaire que la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, c'était pas la Deuxième Guerre mondiale, c'était dur, c'était... Mais c'était tout un autre aria, la guerre du Vietnam. C'était dans des conditions, là, c'était humide, il y avait de la maladie là-dedans, puis parce que les gens, l'équipement des soldats n'était pas adapté aux conditions du terrain, puis tout. Puis bon, bref, ça a été une guerre là, qu'on pourrait qualifier de malpropre, mettons, là, que t'sais, tout s'est fait mal, puis. Une chance qu'on fait pas les remakes des guerres. Hein. Non, c'est une chance. Ben, non, en fait, c'est pas vrai, on en fait. Mais ça, on peut en parler longtemps. Puis je suis pas le plus grand spécialiste de l'histoire des guerres du 20e siècle. Fait que je vais rester à ce que je vais me cantonner à ce que je connais. Mais ça reste que, non, on a eu des remakes de guerre. Juste la guerre en Irak était techniquement un remake de la guerre du Golfe. Ah ouais. Pas mal. Et par un autre réalisateur. On oublie des fois que la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas mal le sequel de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas pour rien, Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ouais, ouais. C'était pas mal le sequel. Hitler a réouvert les blessures de la Première Guerre mondiale. On a tendance à oublier ça. La Deuxième Guerre mondiale a eu lieu en partie parce que le peuple allemand était resté... était resté assez amer de la Première Guerre mondiale et de certaines choses qui... de la conclusion, mettons, de l'armistice, là, des accords de paix étaient pas tout à leur avantage, puis s'en rappelaient. Entre autres, il y a eu tout l'antisémitisme et ainsi de suite, mais une des affaires, c'est que l'Allemagne s'est fait avoir un peu à l'armistice. Ils n'ont pas eu le choix. Là. Ouais, quand c'est tu ça. Te fais battre, t'as pas le choix. Ouais. Mais c'est ça. Ils sont restés amers de ça. Bref, donc c'est ça, les Warhawks, c'est ça, c'est une expression qui est utilisée pour ces vieux militaires qui « Ouais, ouais, allez-y vous battre, là. Moi je m'en sac, je vais rester chez nous à boire mon brandy, mais vous autres, vous allez vous battre. » Fait que donc c'est ça, puis les Chicken Hawks, en fait, c'est un terme plus récent qui a été utilisé, en fait, principalement, je suis pas certain à quel point, je me rappelle plus si ça a été vraiment inventé pour lui, mais ça a vraiment été popularisé pour lui, pour, en fait, George W. Bush, fils. George Bush fils, dans le fond, président des États-Unis là, au début des années 2000, celui qui a déclaré la guerre en Afghanistan, en Irak, et ainsi de suite. Hein, vous avez déjà oublié, hein? On va vous rappeler. il a été traité de Chicken Hawk parce que malgré le fait qu'il a été techniquement membre de la US Air Force, ne s'est jamais battu lors de la guerre du Golfe, si je me rappelle bien, la guerre du Vietnam, je suis plus sûr à l'âge que laquelle. Non, en fait, c'est la guerre que son père, quand il a été premier, quand il a été président, a déclaré. C'est un peu comme être poule mouillée de la guerre. Exactement. C'est que George Bush ne s'est jamais battu, en fait. Donc, c'est ça, un chicken hawk. C'est un vote en guerre, mais qui est même pas un vétéran, en plus. Techniquement, il avait sa soupe de l'Air Force, mais il s'était fait huer, d'ailleurs, pour ça, parce qu'il a jamais... Il a jamais été déployé, il ne s'est jamais battu. Il a juste eu un grade donné de même parce qu'il était d'une famille de même. Puis, donc, c'est ça, parce qu'il y a un discours là, typique, tu sais, vraiment là, connu, qu'il a fait avec sa soute de pilote par-dessus son complet. Il pensait vraiment genre que personne n'allait rien dire. C'est tellement évident. C'est ça. Fait que c'est là que l'expression, les critiques de George W. Bush l'ont traité de chicken hawk, c'est que c'est un va-t'en guerre, mais qui a même pas au moins la crédibilité de s'être battu lui-même pour son pays. Même juste un petit peu, tu sais. Même pas, juste pas un petit peu. Tout. Donc c'est ça. Fait qu'on en a nous autres aussi des chicken hawk. Du monde, c'est bien facile de dire ouais, faut aller en guerre puis tout, mais c'est pas toi qui s'en va se battre. Tu sais, on parle pas de conscription. Tu sais, ouais. Deuxième fois de la chronique. Ça, c'est vraiment mon deuxième café. C'est comme l'entracte. Ouais, c'est ça. Ça m'oblige à reprendre mon souffle aussi, c'est le fun. parce que je parle, puis je prends pas mon souffle. Ouais. Donc, c'est ça, l'expression des chicken hawks. Donc, il y a tout un peu de ça, puis un peu de... Puis ça, là, c'est le bout un peu plus éditorial. Moi, personnellement, je porte aucun de ces symboles-là, parce que moi, les symboles, ça m'écœure. Exact. Wow. En général, ça me gosse tout le temps un petit peu. Je comprends les gens qui portent un et l'autre. Oui, oui. Ce que j'aime pas, par contre, c'est que comprenez que c'est pas parce que vous portez le coquelicot rouge que les gens qui portent le blanc, c'est vos ennemis. C'est ça. C'est pas parce que vous le portez que vous savez nécessairement tous les détails de pourquoi vous le portez, et il y en a qui le font juste parce que les autres le portent. Puis ça, suivre le mouton, c'est ça. Le leader. Puis moi, je vais dire une affaire. Moi, une chose qui... Bon, ça me... ça me fait grincer des dents souvent quand je vois un petit symbole Support Our Troops sur un auto. Mm-hmm. Là. Mm-hmm. C'est, je comprends. Quand l'intention, c'est vraiment de dire, ben, il y a du monde qui donne leur vie pour notre pays. Puis on s'entend, l'armée canadienne, nos soldats, nous, sont bien rémunérés. C'est pas la même chose aux États-Unis. Mais ça reste que tu pourrais dire que pour les dangers que nos soldats, auxquels nos soldats s'exposent, le service qu'ils rendent, peut-être qu'effectivement la rémunération qu'ils reçoivent n'est même pas suffisante. Mmh. C'est tout un autre débat, mais de dire que on soutient leur. On les soutient eux autres. On sait pas si elle lève la main aussi. Oui. Je lève la main. Elle s'est tirée en même temps. Parce que Daniel a le bras dans les airs. Je te voyais pas, t'étais comme dans mon angle mort. J'ai fait deux choses. Mais en fait, j'ai trouvé l'information par rapport à George W. Bush, ouais. Le fils. Donc, ça dit qu'il a fait son service militaire en s'engageant dans la garde nationale aérienne du Colorado en 68. Il est devenu pilote de F-102 et son unité a été chargée de la défense aérienne du sud du pays du Golfe du Mexique. Mais lors de la campagne électorale de 2004, la controverse concerne l'affectation qu'ils ont eue. Ils disent que la garde nationale n'a pas participé à la guerre du Vietnam et George W. Bush a été critiqué pour y être entré afin d'éviter de participer à la guerre. C'est, voilà, c'est nuancé. C'est ça. C'est proche de... Ouais, ben en fait, c'était un peu un truc semi-connu de dire, puis c'est que là ta source est beaucoup plus neutre que ce que je m'en vais dire en termes de... Mais c'est que souvent, en fait, Bush a été critiqué pour dire qu'il a trouvé la passe-passe justement, effectivement, ouais. Comme t'as dit, pour éviter de se faire d'aller se battre. Puis il y aurait eu un peu du grenouillage de la part de son père, en fait, là, okay. Qui était président de ce temps-là, en fait. Ouais. Mais bref, c'est mieux que... C'est quoi, c'est... là, j'ai pas les détails, mais c'est Trump qui avait dit qu'il y avait des problèmes aux os des pieds. Mais Trump, c'est la même maudite affaire, là. Trump avait eu une dérogation là, sur une bullshit administrative ouais. Pour pas aller à la guerre non plus. Mais aurais-tu voulu de Trump à la guerre si t'avais été militaire? On dira pas les commentaires de ce qu'on voulait que Trump... J'étais personnellement pas un grand fan de Bush dans le temps. On s'entend depuis Trump, on se dit je le reprendrai. Baby come back. J'étais un grand fan d'Obama comme premier ministre mm-hmm. américain. Premier ministre, excusez. Super. Super, on pardonne, président. La reine des États-Unis, back Obama. C'est drôle, mais tu dis ça, là, tu dis la reine des États-Unis, puis j'avais une belle caricature d'en face de Trump avec du make-up, puis une couronne. Ça, c'est excellent. Tu sais, un petit chapeau comme la reine d'Angleterre, là, grippé en Elisabeth II. Là. Ça aurait été merveilleux. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est clair que cette caricature-là existe, ça n'existe pas. Oh, mais attends un peu, si elle existe. Oh! Elles sont toutes sur Google Images en tapant Trump Queen. C'est pas des caricatures, des Photoshop, là. Ça, c'est merveilleux. C'est de toutes les beautés. Allez-y tout de suite. En fait, ce que je m'en allais dire, c'est si Alexandre de la Remise Wiki nous entend, Alex, je te lance un défi. Ah, oui. Le prochain match d'impro. OK, pour la caricature. Caricature-moi ça. Puis, dans un match d'impro, par là. Mais ça, partout. Ah, c'est bon. Bref, on disait... Il a mal aux os, fait qu'il est pas allé dans l'armée. Mm-hmm. Hein? C'est ça. Donc, c'est ça. Puis vous allez les voir être militaires. Ah oui, non, on va aller se battre à telle place. T'sais, ben, Trump, c'est un bel exemple. Il a fait un paquet de déclarations incendiaires, entre autres la Corée du Nord. Il est en train de nous starter la Troisième mm-hmm. Guerre mondiale avec la Corée du Nord, là, ben oui. Trump. Là, Ne vous méprenez pas. Ben lui-même ne s'est jamais battu, puis c'est le plus gros exemple je vais vous ramener à des paroles de System of a Down, groupe metal du début des années 2000, ouais. Qui ont sorti un magnifique album en 2003, 2004, non 2005, qui a la magnifique chanson BYO. 2003, c'était Boom. Qui était dans les. C'était dans les le clip de la toune, c'était les manifestations contre la guerre en Irak. Mm-hmm. Mais comme System of a Down dans BYOB, une chanson qu'ont sorti en 2005 sur Mesmerize, je me rappelle bien, qui disent Why don't presidents fight the war? Why do they always send the poor? C'est vrai. Donc, pourquoi est-ce que les présidents ne se battent pas lors des guerres? Pourquoi est-ce qu'ils envoient les pauvres à la place? Parce qu'aux États-Unis, bien souvent, les jeunes, surtout les jeunes racisés, souvent, ils n'ont pas mal le choix, ils n'ont pas les moyens d'étudier, ils ont de la misère à trouver des jobs. Ben, leurs études. Ils n'ont pas le choix d'aller s'enrôler. C'est la seule affaire qu'ils ont. Puis aux États-Unis, comme je disais, pour un pays aussi militariste et va-t'en en guerre et fier de son armée, ne payent pas leurs soldats si cher que ça. Mm-hmm. Ils n'ont pas des si gros salaires que ça. Ça rappelle la controverse récemment avec David Johnson et le commentaire, justement, je sais qu'on revient à Trump, là, mais qui lui a dit, genre, au téléphone, « Ah, mais tu sais, à la mère du gars. » Ouais. Ils savaient dans quoi qu'ils s'embarquaient. Non, c'était à la veuve du gars. La veuve, fait. Excuse-moi, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Non, Trump, puis d'ailleurs, Trump puis le terme qui me vient, c'est de déféquer, là, sur une famille de vétérans, en fait. Ce qu'on appelle une Gold Star Family, là, c'est que c'était dans le fond, des parents d'un vétéran qui étaient des personnes de couleur, en fait, qui étaient des personnes racisées. Je pense que c'est des Américains d'origine pakistanaise, une affaire comme ça. Leur fils est né aux États-Unis en sol américain, tout le kit, puis il s'est enrôlé dans l'armée, il est décédé lors du service. Puis il est allé là, parler contre eux autres parce que eux autres avaient parlé lors de. Congrès démocrate, si je me rappelle bien. Puis ils sont allés dire que les politiques militaristes du Parti républicain, là, ce que pas rien que Trump, mais ben là, ce que Trump défendait en tant que candidat républicain, mais même la plupart des élus actuels des républicains étaient un désastre pour les vétérans et les familles de vétérans, puis ils allaient créer une souffrance là, supplémentaire pour les soldats et les vétérans, puis ainsi de suite. Puis Le Trump est allé là, le parler contre eux autres, puis je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, là, mais c'était en plus un peu raciste, là, parce que c'était des personnes de couleur, puis la mère porte le voile. Là, non, en tout cas, à un moment donné, c'était genre... le mari a beaucoup parlé, la femme a rien dit, peut-être qu'il avait pas le droit de parler. Ah, c'est ça, c'est en plein ça qu'il a dit, c'est vrai, ben oui. C'est ouais, non, ouais, ça n'a pas de mots du bon sens. La première fois qu'on a tête. Après ça, ils ont été interviewés à des... dans des morning shows, des choses comme ça. Puis la mère a parlé, puis elle a dit « J'ai pas parlé, parce que si j'avais parlé, j'étais trop émotif, si j'avais parlé, j'aurais été beaucoup moins mesuré que mon mari. » C'est ça, souvent c'est le même. Tu sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est ça. Fait que, ça pour dire que... Ben, moi, la conclusion, ben, tu sais, je disais, mon éditorial, c'est... Bon, comme je disais, je suis pas un grand fan des... Des signes, des symboles de ces choses-là, que ce soit puis là, j'apprends qu'il n'y a pas des symboles religieux, puis ça n'a pas tellement rapport, mais je suis un gros fan de porter sur soi le symbole de telle ou telle chose, puis de dire, tu sais, de t'afficher comme non, c'est dans la discussion que ça doit se faire. Puis des fois, il y en a qui vont dire, puis c'est bien correct, puis je suis bien d'accord avec ça, qui vont dire que ces symboles-là, justement, ça sert à ouvrir la discussion. Oui. Tant et mieux. C'est personnel le aussi. Le fait que les gens portent, regardez, puis je dis ça, puis le j'en ai parlé parce que les gens portent le coquelicot rouge, puis le coquelicot blanc, puis ainsi de suite. Moi, ce que je veux rappeler, par contre, c'est que quand le symbole que certains portent te force à aller les traiter de traîtres à la nation, puis ainsi de suite, t'as fait dire ça, t'as pas compris ton propre symbole, en fait, je crois. Parce qu'en partant, le coquelicot rouge, puis c'est ça le problème, c'est que c'est que ça devient, il a fini par recevoir une genre de connotation de c'est un symbole de nos j'ai le mot en anglais military ventures, de nos activités militaires, dans le fond. Ce qui est pas correct, en fait, c'est pas ça le but, c'est les vétérans puis les ceux morts au combat. Donc t'es même pas cohérent avec le symbole que tu portes toi-même en quelque part, mais c'est que ça a fini par avoir quand même cette connotation-là à cause de ça. C'est comme je disais, les support our troops, t'as le droit de le coller sur ton char, mais le jour où ce que tu dis que quelqu'un qui porte pas le support our troop, c'est un antipatriotique, puis ainsi de suite, parce qu'il est contre les troupes, puis ainsi de suite. Non. Non. Je veux dire, on fait juste pour te le montrer. À part les imbéciles, parce qu'il y en a, même les gens qui sont les plus pacifistes vont dire « Ben non, c'est pas contre les soldats qu'on en a, c'est contre les décisions de leurs dirigeants. » C'est ce qu'on leur fait faire. C'est ce qu'on leur fait faire, le problème. C'est pas les soldats eux-mêmes. C'est-à-dire, pour être soldat au Canada, il faut un sens du sacrifice. Tu pourrais travailler dans la construction, faire à peu près le même salaire, qui est un salaire très correct, mais sans... tu sais, parce qu'en quelque part, quand t'es soldat, là, c'est pas rien qu'un contrat de travail, là. T'es soldat, en quelque part, quasiment à vie, là. Si tu déchires ton contrat de travail, c'est une dishonorable discharge, tu perds certains droits, en fait, là. Tu deviens un moins qu'un citoyen normal. Tu sais, t'as le droit de vote quand même, puis tout, mais t'es rendu déshonorable, en fait. Je me rappelle plus exactement les détails, là. J'ai un collègue à ma job étudiante qui est enrôlé, en fait, puis qui m'expliquait un peu ça, là, mais maintenant, je me rappelle plus tous les détails, mais ça change quelque chose. Ah, ça change ta vie, là. C'est ça, t'es pas...

Can he dance with a shit, Dance while you shoot de Noga Erez. C'est le bout qu'on vient d'entendre, les 30 dernières secondes qui sont dans la pub d'Apple Music, et c'est pour ça que je l'ai adoré. Juste pour ce petit bout-là, le reste de la chanson, moyen, mais ça, là, c'est très bon. Noga Erez, N-O-G-A, espace, E-R-E-Z, Dance while you shoot. Et en passant, si vous avez entendu une publicité d'Apple à quelque part et que vous voulez entendre, vous voulez savoir en fait quelle chanson est dedans, à part le Shazamé, vous pouvez avoir tout ce qui est les chansons que tu dis dans les conférences de presse, les publicités, les vidéos sur YouTube, tout ça sur applemusic.info. Applemusic.info, un site qui liste la musique d'Apple en général par date, avec des liens même pour les acheter sur iTunes. Voilà. C'est tout pour Tu manges mon cœur. On adore ça. C'était cool ça. Une fois de temps en temps, là, se partager nos coups de cœur. Stéphanie Paradis. Hey, salut. Allô. Bon matin. Tu vas bien? Ça va très bien, vous deux. Absolument. Très bien. Désolé pour le langage vulgaire ce matin. Émission matinale, pas vraiment. Ben ça dépend des jours. Quel langage vulgaire? T'as raison, c'est un terme médical, on l'a déjà dit. C'est un terme médical, on a le droit à une mention par émission. Tant qu'à moi, c'est pas le mot pénis qui est vulgaire, c'est probablement toutes les autres qui veulent parler d'eux. C'est euphémisme. Je vous trouve très bon en anatomie. Elle a tempéré ses propos. Je vous trouve très bon. Oui, oui, oui. En anatomie. Cool. Donc, c'est Stéphanie Paradis qu'on accueille tout de suite avec sa patate de sofa. Oh, Stéphanie Paradis, patate de sofa, la chronique où tu nous critiques une émission de télévision. Oui, je l'ai parlé de sang. Ouais, de ça. Sang. Ouais, mais je savais comme pas trop quoi lancer. Ah, okay. Là, mais t'as lancé n'importe quoi. Mais c'est bon. Ben non, non, quand non, même. Elle a compris pas la technique de donner l'envie aux gens de rester. Le tease, c'est ça. Tease, la gasse. Hey, parlant de patate, je t'arrête de me dire, faudrait que je me fasse une mascotte. Vous savez, les bonnes nylons là, remplis de terre avec du gazon qui va sur la tête, ça me ferait une belle patate. C'est vrai. Vraiment? Hein, une petite mascotte comme ça. Un petit logo de chronique, là, ça pourrait être cool, ça. Ça serait bien. Je dois m'en faire pousser. Et t'es bonne sur, c'est quoi ton petit logiciel de dessin cheap, là, mais qui marche bien, là? Là, je... Photofilm? Photofilm, c'est ça. Ouais, non, c'est parce que Paint n'existe plus. Non, c'est décédé. Mais je pense que ça existe, mais ils vont comme juste plus le mettre à jour. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, peut-être. C'est ça. Profites-en pendant que ça dure encore. Ça. Voilà. C'est ça. Bref, on est là pour parler de sang. Tu dis, mais pas c'est quoi, là? C'est quoi le lien? Bon, je sais pas. Là, je vais vous dire honnêtement, je suis encore en train d'écouter Switch at Birth. Oui. Je pouvais pas m'embarquer dans d'autres choses. J'ai presque fini. Je suis à la moitié de la dernière saison. Fait que j'ai pas le goût de commencer d'autres choses pour vous autres quand même. Non, on comprend ça. Je suis à la moitié, c'est le neveu juif de lui, de Lise Wattier, c'est ça? Je suis à la moitié. Shalom moitié! Je sais pas si c'est un nom, ça a l'air. Ça fait juif un peu, je trouve. Ouais. J'en ai aucune idée. Je connais pas tant la juicifitude. Oh, la justification qu'on dit, ouais, excuse-moi. Ah, excusez, pardon. Non, j'ai réfléchi, c'est sûr. C'est sûr que j'ai écouté une petite série... que j'ai quand même apprécié, là, pas juste vous garrocher de la chenoute ce matin. Mm-hmm. Et j'ai pensé, ah ah, je suis tombée là-dessus par hasard, j'en avais jamais entendu parler avant de tomber sur la grosse photo sur Netflix. Et je vais vous parler ce matin de Santa Clarita Diet. Oui! Est-ce que vous connaissez? Oui. C'est qui déjà là-dedans? Ben, j'ai vu passer ça, c'est pas, Meg Ryan, Drew Barrymore. Donc, j'ai écouté ça. Donc, Santa Clarita Diet, c'est une comédie d'horreur, un peu gore, un petit peu absurde par moment. Donc, c'est Joel et Sheila Hammond qui sont un couple de la banlieue avec une petite vie rangée, voire ennuyante, redondante, travaillant tous deux comme agents immobiliers. OK. Revirement de situation. Oh. Ça commence quand même très rapidement au premier épisode. On niaise pas, puis on aime ça comme ça. Sheila ne se sent pas bien, hein, puis ça s'améliore pas au courant de la journée. en plein milieu d'une tentative de vente dans une maison là, qu'ils sont en train de faire visiter. Mais elle se met comme à vomir vert, comme c'est pas possible. Wow. C'est dégueulasse, c'est gore, ça commence. Okay. Tu sais à quoi t'attendre pour le reste de la saison. Il y a un petit malaise hein, avec les possibles acheteurs. C'est pas vrai, il y a un gros malaise. Donc, la visite se poursuit avec des vomissements horribles en bruit de fond. Donc, elle est allée à la salle de bain, continue à vomir. Mais ça pourrait être trop, mais non, pour vrai, c'est parfaitement timé puis ça marche. OK? Okay? C'est parfait. Joel va la trouver morte. Mon Dieu. Mais pendant quelques secondes seulement, gisant dans des litres de vomissure. Ah. Mais voyons, donc elle s'est vomi le corps. Ben oui. Puis elle revient à la vie soudainement dans ses bras et tout va bien. Elle va mieux que jamais. Donc on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais. Donc Sheila a changé du tout au tout, est rendue enjouée, spontanée, pleine de libido, un peu incontrôlable sur tous ces aspects-là de sa vie. Pis c'est pas toujours évident en société, hein? Mm-hmm. Surtout que, bon, avec tout ce qui s'en vient, ils vont devoir dealer avec leurs deux voisins, donc de chaque côté, un qui est shérif et l'autre qui est, si je me trompe pas, un agent de police tout simplement et un shérif un peu zélé et perturbé. Donc, tu sais, le meilleur voisinage pour faire des petites niaiseries comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le cadre dans lequel ça se passe, en fait, je l'ai peut-être pas mentionné, elle devient un zombie. Oui. Une morte vivante. Mm-hmm. Donc, ce qui est un peu intéressant, c'est que le sujet du zombie n'est pas traité dans un univers post-apocalyptique. Il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de zombies qui courent les rues. Bref, la vie va suivre presque son cours normal. Donc, on est plutôt dans une petite banlieue proprette, colorée, qui contraste quand même très fortement avec les scènes gore auxquelles on va être témoin. Ça frappe plus, oui. Non, c'est ça. Donc, à noter aussi, très important, c'est que Sheila, elle a encore toute sa tête. Donc, on n'a pas le stéréotype du zombie en décomposition rapide qui râle les bras par en avant, en avançant pour essayer de manger ses voisins. Aussi, ça va changer beaucoup la relation avec sa famille. Hein? On peut s'y attendre. Donc, son mari Joel et leur fille Abby commencent à se faire à cette nouvelle réalité-là. Tout ce qui se passera par la suite va rapprocher le couple plus amoureux et complice que jamais. Il va améliorer la relation mère-fille. Donc, on aurait pu ne pas s'attendre à ça, mais finalement, tout se passe quand même bien. Donc, oui, manger de la chair humaine ainsi que tuer, camoufler des meurtres, ça peut avoir cet effet-là. Ouais, c'est ça. Sur votre vie, à ne pas essayer à la maison. Non, c'est ça. Donc, là, on parle bien sûr de la diète de Santa Clarita. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle mange? Donc, pour ce qui est de son alimentation, elle s'est rendue compte à un moment donné, tu sais, elle jase avec sa fille et son mari, puis elle mange de la viande hachée à même le paquet du frigo. Puis là, moi, c'est comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, j'avais envie de tout ça. Fait que là, elle mange de la viande d'épicerie là, que son mari rapporte. T'sais, il se force, il amène de la viande biologique, ça, puis tout ça. Mais ça marche pas très longtemps. Oh. Donc, ils se rendent compte que ça lui prend vraiment de la chair fraîche. Okay. Donc, tout ce qui est emballé sous vide, c'est ça, c'est pas frais, puis il y a le petit arrière-goût qui revient pas, puis ça fonctionne pas. Donc, on peut s'attendre un peu à comment ça peut virer dans ce cas-là. Elle a quand même des pulsions là, qu'elle n'arrive pas tant à contrôler. Petit malaise des fois là, avec le mari et la fille. Là. Oui, aussi, pour donner un petit exemple cocasse de comment elle peut amalgamer cette nouvelle réalité de banlieusarde avec son zombisme. Elle va boire des smoothies humains pendant sa marche matinale avec ses voisines. C'est très, très drôle et c'est vraiment dégueulasse. Fait que ça marche vraiment, tu sais, la petite scène cute en banlieue et tout ça. C'est magique. Ensuite, si on parle du réalisateur, c'est une série imaginée par Victor Fresco. Donc, lui, il souhaitait créer un show familial avec une approche qui n'avait jamais été vue auparavant. C'est vrai. Oui. Donc, grâce à l'angle utilisé, c'est-à-dire celui du zombie, Fresco en a profité pour explorer le concept de narcissisme en affirmant que les morts vivants sont les ultimes narcissiques. Mm-hmm. Donc, ils veulent ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, ils feront n'importe quoi pour l'obtenir sans se soucier des besoins d'autrui. Donc, c'est très bien représenté dans le petit quotidien banlieusard de nos personnages. C'est ce que je pensais. Le nom me disait quelque chose et Victor Fresco est quelqu'un qui fait des séries absolument excellentes. Entre autres, c'est lui qui a travaillé sur Andy Richter Controls the Universe, qui était une sitcom sur Fox qui était vraiment, vraiment super imaginative. Et il a travaillé sur Better Off Ted aussi, une autre série en seulement 2 saisons sur ABC que je recommande vraiment beaucoup. Ce gars-là me fait énormément rire. Donc, pour vrai, c'est un bon point d'avoir amené son nom. Il est excellent. Donc, j'imagine que ça donne le goût de regarder sa Marita Diet. C'est toujours vraiment très, très... Tu ne vois pas venir grand-chose, je trouve, dans ce qu'il fait. C'est non. Comme tu fais « Oh, wow, quelle bonne idée! » C'est vrai, c'est vrai. Pour vrai, on ne s'attend pas à ce qui va se passer. On est toujours surpris. On reste pas dans... facile. Non, c'est ça, c'est imaginatif. On n'est pas capable de deviner ce qui va se passer dans la scène suivante. Oui. OK. Puis c'est ça qui est le fun. Mm-hmm. Parce que si on est capable de le deviner, ça veut dire qu'on est capable de l'écrire. Ça veut dire que c'est déjà dans notre tête. Donc, on n'en a rien à faire que tu nous racontes l'histoire qu'on est déjà capable de s'inventer. Ah, c'est la, voilà. Cette réplique-là, là, on pourrait la graver sur une plaque. Oui. Oui, je vais... mettre ça dans les bureaux de TVA. Avec la ponctuation, s'il vous plaît, contrairement. Donc, en plus, si tu veux l'écouter, c'est quand même rapide. Présentement, il y a seulement une saison de 10 épisodes. Donc, c'est très rapide. C'est une demi-heure, hein? Oui. Okay. Donc, c'est très rapide à écouter. Là, tu peux t'écouter ça d'une soirée avant que la seconde sorte en 2018. Donc, je suis très, très, très contente que ça revienne. Pour ce qui est des acteurs, donc, Joel Hammond, il est joué par Timothy Olyphant. On l'a vu, par exemple, dans Scream 2. Parti en 60 secondes, Dreamcatcher, Hitman. Il y a aussi des petites apparitions dans The Office et The Mindy Project. Ensuite, on a Drew Barrymore qui incarne Sheila Hammond. Je pense qu'elle n'a pas vraiment de présentation. Non, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. C'est quand vrai, même que je dirais, au début, j'étais pas certaine si c'était elle. Est-ce que c'est une actrice qui lui ressemble vraiment beaucoup, beaucoup? Je trouvais que c'était un casting quand même étonnant pour elle. Et honnêtement, ça lui sied énormément bien. Elle est parfaite dans son rôle. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun à voir. Les jeux d'acteurs sont formidables. Ils maîtrisent les personnages qui sont quand même caricaturaux, mais avec une belle nuance. On n'est jamais vraiment dans l'exagération. C'est jamais trop peu, jamais trop. Donc, les répliques aussi sont bien rythmées, sont efficaces. Oui, c'est son talent, ça, avec le Fresco. Ouais. Voilà. Donc, sur une échelle de patates germées à poutine extra fromage... C'est le moment qu'on aime tant. Je donne la note de chips cuites à la marmite, lime et poivre. Ouh! C'est quand même spécifique. Ouais. Donc, c'est une version extrêmement bien réalisée avec des saveurs qui ne nous déstabilisent pas trop, mais qui apportent la parfaite touche de « je sors de mon quotidien et de ma zone de confort ». Bravo, assez gras pour satisfaire. Ouais. Miam! Santa Clarita Diet sur Netflix. Ah, vraiment, écoutez ça. Ça vaut la peine. En plus, si c'est pas très long, ça va pas hypothéquer vos 6 prochains mois. C'est ça. Si vous dites, ça me tente pas tant d'écouter Gilmore Girls, il y a quoi, 8-9 saisons, allez écouter Santa Clarita Diet. C'est pas du tout dans le même genre. Non, hein. C'est ça, mais... si vous êtes vraiment des amateurs de séries, vous allez apprécier celle-là. Parce que un vrai amateur de séries, je pense qu'il ne s'arrête pas vraiment au genre, mais plus à l'histoire, réalisation et tout ça. Je pense que ça vaut la peine de s'attarder à celle-là. Bien dit, et comme j'ai dit tantôt, procurez-vous Andy Richter Controls the Universe et Better Off Ted par le même réalisateur. Donc voilà, vous avez 3 séries quand même relativement courtes tout de même, pas mal à vous procurer. Et à visionner dans vos temps libres si vous en avez. Good! Merci, Stéphanie Paradis. Ça me fait plaisir. Comment ça se passe avec Switch That Bird? Moi, j'allais justement te poser la question. Ah, ça va très bien, pour vrai, c'est super. Bon, moi, ce qui me déstabilise un peu, c'est qu'on a eu un... je crois que c'est au tout début de la 5e saison, une ellipse de 10 mois quand même. Ils ont fait un voyage, tout ça. Je ne veux pas trop en dire, mais bref, on nous fait une ellipse dans le temps et ils reviennent après tout ce temps-là. Donc, c'est un peu déstabilisant, mais c'est très bon. Voilà, c'est ça. Et ça évolue quand même beaucoup là, par rapport au sujet d'échanger à la naissance. Là, c'est vraiment à l'arrière-plan. Oui, c'est ça. De côté ça. Un petit peu. Cool. Donc, encore une fois, merci Stéphanie Paradis. Voilà, c'est tout pour Assemblage Rocky édition week-end. On se retrouve lundi pour une toute nouvelle semaine d'Assemblage Rocky. Du lundi au vendredi de 7h à 10h, édition week-end les dimanches dès 15h. Pour Mathieu Plante et moi-même, Tania Baudin, bon week-end et à lundi!